Et moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Les appels à la générosité envers les migrants se multiplient. Après le grand rabbin de France, c'est le pape en personne qui s'est adressé à tous ses fidèles. François a appelé chaque paroisse, chaque communauté catholique d'Europe à accueillir une famille de réfugiés. C'est au Vatican, place Saint-Pierre, que le Saint-Père a lancé son appel ce dimanche. Face à la tragédie des dizaines de milliers de demandeurs d'asile qui fuient la mort, victimes de la guerre et de la faim et qui sont en chemin vers une espérance de vie, l'Évangile nous appelle et nous demande d'être les prochains des plus petits et des plus abandonnés, à leur donner une espérance concrète. Maman, pourquoi on doit toujours dire Bismillah? Parce que quand tu dis Bismillah, Dieu est avec toi et met la baraka dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui, les temps changent. On va détruire ce pays et on va élever la bannière et on va élever la parole d'Allah. On va élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'appelle tous les frères à frapper ce pays. Sortez avec un couteau, tout ce qu'il faut. Agressez-les, tuez-les en masse. Inch'Allah, Inch'Allah, ce message va Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode numéro 6 de Démocratie participative. Alors chers amis, vous pouvez nous suivre sur Facebook, on a une page et on a aussi un blog qui est, dont le lien est indiqué sur la page Facebook. Donc référez-vous à la page Facebook Démocratie participative. Je vous invite à aimer la page, comme ça vous serez tenu au courant des épisodes futurs. Donc ça, c'est une recommandation. Ensuite, pour nous envoyer des messages, des suggestions pour l'émission, ou si vous voulez simplement nous poser une question sur quelque chose en particulier, vous pouvez nous contacter à démocratie participative en un seul mot, sans accent, @mail.ru. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, là, on a un panel intéressant et des gens qui sont maintenant connaissez pour ceux qui nous écoutent depuis un moment. Je vais vous les présenter, ils vont nous dire bonjour. Derek, salut Derek. Salut Gandalf, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Il fait une chaleur, hein. C'est assez terrible. Même je pense pas que les nègres puissent travailler sur avec ce climat-là, mais bon, est-ce que les nègres ont déjà travaillé? Je ne sais pas. Ah, à qui tu fais référence? C'est un célèbre parfumeur, c'est pas? Fulbert, comment vas-tu Fulbert? Fulbert va bien, merci. Bonjour. Astérix, dit Gringoy, ça gaze Astérix? Eh bien moi écoute, ça va impeccablement. Bonjour à tous, hein. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et on va passer une bonne émission. Je pense aussi. Hop, Man America, Captain America, ça va Captain? Mais ça va très bien, guten tag à tous les camarades. MacDav, salut MacDav. Bonjour les négros, j'espère que ça gaze. MacDav va peut-être travailler un Africain sur son branchage microphonique parce qu'il a un petit problème. Il a un cycliste. Il a un cycliste dans la cave. Porovitch, comment vas-tu, Porovitch? Shalom alaikum à tous, ça va, ça gaze. Bon, on va commencer cette émission, cette première partie avec un sujet, je crois, qui intéresse un certain nombre de personnes. Et ça s'appelle l'appropriation culturelle. Il y en a plusieurs qui ont proposé ce thème, mais ça me paraissait être un bon thème. C'est un thème, je vais le présenter rapidement. L'appropriation culturelle, c'est donc la propension qu'ont effectivement dans les sociétés devenues multiculturelles en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord, des minorités ethniques ou raciales ou religieuses, donc non-européennes, de souche non-européenne, à en fait réécrire l'histoire, on peut dire réécrire l'histoire de telle façon à ce que ça les valorise et quelque part ça délégitimise les populations d'origine européenne, hein, avec toujours l'idée de vieux sentiment revanchard. Alors comme point de départ de la discussion, en fait, ça va être en fait c'est juste un point de départ, mais l'actualité veut qu'on en parle. On a, je crois, c'est à Beaumont-sur-Oise, je crois. Hein. C'est ça, quelqu'un peut me confirmer l'histoire avec Adama Traoré, là, un noir qui est mort en fait dans des conditions accidentelles et qui a déclenché un phénomène de solidarité tribale et raciale assez impressionnant, avec tous les Africains, les Noirs africains du secteur qui sont mobilisés, qui sont descendus dans la rue. Et donc il y a eu un phénomène assez nouveau d'importation depuis les États-Unis d'un mouvement qui s'appelle le Black Lives Matter. Bon, je crois que les gens connaissent. Donc c'est le mouvement de protestation pour défendre la vie des Noirs qui seraient menacés par les policiers racistes. Vous connaissez le truc. Hein. Et donc ils ont repris ça pour expliquer en fait que le Traoré en question avait été tué par des flics racistes, quoi. Déjà, le Traoré, il faut savoir que des Traoré, si c'est la même famille, c'est la famille la plus nombreuse du monde. Pas la famille la plus puissante, hein. Étrangement, bizarrement. Mais en tout cas, rien qu'en France, il doit y avoir à peu près, allez, je vais au flair comme ça, mais je suis sûr que je ne suis pas très loin, il doit y avoir 50 000 Traoré. Il y en a, tu tapes dans une poubelle, il te sort 10 Traoré. Alors en fait, avant de parler de l'appropriation culturelle, il y a déjà l'appropriation territoriale. Ça, c'est quelque chose qui me fascine, c'est-à-dire que il parle de racisme, la façon dont il parle, en fait, et c'est d'ailleurs admis, évidemment, enfin, c'est totalement dominant aujourd'hui dans les élites autochtones, enfin les élites blanches, quoi, hein, en France, c'est en fait que ces populations ont des droits sur nous, alors qu'en fait, elles viennent d'arriver il y a quelques décennies, quoi. Avant de parler de l'appropriation culturelle, on est là, on a vraiment un phénomène d'appropriation territoriale, politique, et ça me fascine de voir ces gens qui défilent en disant, j'ai même vu, il y avait une pancarte qui disait, comment dirais-je, c'était sur les flics, enfin, il y a des pancartes ultra agressives, et je trouve ça fascinant d'avoir effectivement des colons, quoi. C'est des gens qui sont objectivement des colons, qui prétendent avoir des droits sur nous, quoi, des droits historiques sur nous, sur nos terres. Alors, en pleine Île-de-France. La colonisation, oui, mais par la mendicité agressive quand même, hein, parce que c'est chaque fois on nous assassine. Même s'ils sont pas vraiment assassinés, quoi. Hein, enfin, là, en l'occurrence, oui, oui. Le gosse là, le gosse, l'Africaine de 24 ans. Hein, il y a eu des expertises, donc ils se sont mis. La famille, hein, apparemment, s'amuse de faire ouvrir le corps du mec, quoi, tu vois. Grosse erreur, Derek, excuse-moi de te couper, mais c'est une grosse erreur de dire un gosse, même si tu t'es repris, pour un Africain de 14 ans. À la rigueur, un Européen de 14 ans peut être encore appelé enfant. Un Africain à 14 ans, il est au maximum de son évolution. Il n'y a pas de... C'est vrai que c'est mon côté, universaliste. Je mets sur le même plan cet individu-là avec ce qu'on pourrait voir, hein, chez les Européens, donc effectivement, oui, c'est pas un gosse. Mais voilà, en tout cas, la famille a fait des expertises, des contre-expertises. Ils doivent bien aimer ouvrir les cadavres pour faire peut-être des rituels vaudou, je sais pas. C'est oui, en fait, comment dirais-je, l'autopsie et la contre-expertise ont confirmé que c'était une mort effectivement accidentelle, hein, on est bien d'accord. Ouais, tout à fait. Ce qui n'empêche pas. Ouais, vas-y, je te laisse parler. Ces mecs ont le culot d'en réclamer une troisième. Bah, c'est-à-dire, à mon avis, dans leur état d'esprit, je pense que ça peut continuer comme ça très très longtemps. À la centième, ça ira toujours pas, quoi. Ouais. Non, mais on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on a des populations qui sont criminogènes, qui sont surreprésentées dans la délinquance, la criminalité. Et ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se posent en victime et ils disent « la police nous assassine ». Mais oui, mais c'est ça, ouais, bien sûr. Vous foutez de notre gueule. Le truc qui est le plus désarmant, c'est qu'ils se foutent de ta gueule, ils savent qu'ils se foutent de ta gueule, mais ce sont des comédiens nés, quoi. Avec toute cette hystérie de masse. Là, en l'occurrence, c'est vraiment des Africains, c'est des masses de manifestants africains. Et c'est vraiment c'est un phénomène tribal, quoi. Ils se coagulent en masse. Il y a des mecs, là, il y a un truc qui s'appelle la brigade anti-négrophobie. C'est quand même hallucinant, quoi. Parce que dans l'histoire en question, le type, son frère était recherché pour, je crois, pour une affaire d'escroquerie, hein, une affaire d'escroquerie assez importante. Je crois qu'il a essayé de plus ou moins de s'opposer à l'interpellation de son frère et durant, donc en fait, il a empêché la loi de s'appliquer. Durant ça, en fait, il a été neutralisé par les policiers, comme toute personne qui essaierait d'empêcher les policiers de faire leur travail se ferait neutraliser. Et durant cette interpellation, en fait, pour des questions de santé, en fait, il est mort sur le coup. De quoi, enfin, ce sur quoi rebondissent tous les Africains du secteur et après, par extension, tous les militants officiels de la cause, entre guillemets, noire. Et là, en fait, peu importe les responsabilités, là, voilà, c'est raciste, terminé, et vous devez payer, quoi. Ça, c'est fascinant, quoi. C'est vraiment fascinant, ce truc-là. Alors, on va rebondir. Vas-y, ouais. Avec George Soros à la baguette sur certains de ses mouvements, je pense que même les bénéfices, d'ailleurs, c'est possible que ça aille directement sur les comptes de George Soros. Hein. C'est du racket, en fait, plus ou moins. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas bien. C'est insupportable. Hein. Vient se greffer aussi là-dessus l'histoire des contrôles aux faciès. Alors Ah, ils ont remis ça sur le tapis? qui est une imposture totale, hein, soyons clairs. Si ces gens-là sont contrôlés aux faciès, c'est parce qu'ils sont surcriminels. C'est pas par racisme, c'est par pragmatisme, c'est du bon sens. Hein? On Ah oui, sait très non, bien. totalement. Ils remplissent les prisons de France. Alors arrêtez de vous plaindre du contrôle aux faciès, putain, c'est de votre faute. Ah, c'est vraiment insupportable. En tout cas, ce qui est assez rigolo à voir, enfin rigolo, c'est assez tragique, c'est la fameuse marche blanche, hein, qui est très très blanche. Qui était très très très mal nommé, n'est-ce pas? Effectivement, à Beaumont-sur-Oise, donc petite ville historique de 10 000 habitants, avec enfin une belle architecture médiévale, c'est vraiment un joli petit coin de région parisienne. Et voir tout ça envahi de nègres, hein, un petit bourg comme ça totalement remplacé, c'est triste. Mais quelque part, tu peux pas faire de contrôle aux faciès dans un environnement totalement négrifié. Car à moins de t'y connaître et de faire du Bernard Lugan, tu vois, savoir reconnaître juste visuellement un nègre de tel ou tel écu. Un nègre reste un nègre pour un Européen qui n'a pas été en Afrique. Hein. Donc tu pioches dans le tas. Il n'y a pas de différence. Et je lisais sur un site de notre côté, disons, il situait l'origine du mouvement Black Lives Matter. Je dis ça parce que j'ai entendu quelqu'un évoquer Soros pour les subventions, mais le BLM, le Black Lives Matter, serait une création artificielle du Parti démocrate US. Et un petit peu à l'image du mouvement Occupy Wall Street qui avait été fait pour faciliter la réélection d'Obama. Le Parti démocrate ayant besoin d'un mouvement de soldats de rue, comme ils le disent. Et voilà. Cette fois, avec les élections qui attendent les Américains ici dans peu de temps, le Black Lives Matter serait un moyen pour le Parti démocrate de trouver une grande cause et s'attirer un maximum d'électeurs. Oui. Ouais, l'idée, c'est de rappeler aux Africains, à l'électorat noir américain, n'oubliez pas de voter démocrate et de vous mobiliser, parce que en fait, les flics américains sont racistes, et si un républicain est aux commandes, surtout si c'est Trump, vous allez vous faire tuer dans les rues, donc votez Clinton. En gros, c'est un peu le but de la manœuvre, je présume, hein. C'est de mobiliser l'électorat noir, quoi. Ils ont sorti un vidéoclip d'ailleurs, je ne sais pas si c'est les BLV, BLM, Black Lives Matter, qu'ont sorti cette vidéo, mais c'est proche d'Hillary Clinton. Hein, et c'est une vidéo où on voit des faciès. À un moment donné, il y a un Mexicain avec les yeux qui se touchent. L'œil droit qui dit merde à l'œil gauche, le faciès grassouillet du gars qui ne bouffe que des tacos depuis 30 ans. Et ce mec-là fait de la propagande pour Hillary Clinton, antiraciste et tout ça, avec tout un cortège d'immigrés aussi qui tiennent le Et même discours anti-Trump. c'est fascinant de voir à quel point les Africains, bon, en l'occurrence d'Île-de-France là, mais on pourrait l'étendre à l'Africain de l'Hexagone, même plus largement, mais bon, restons sur la France. Hein. C'est fascinant de voir à quel point ils sont fascinés par le ghetto noir US, quoi. C'est assez frappant parce que de les voir récupérer le label en quelque sorte créé aux États-Unis pour leur propre j'allais dire leur propre cause en quelque sorte. C'est assez parlant quand même. C'est assez parlant ce truc-là. Ça me semble logique en fait, parce que la plupart des mouvements comme ça qui ont une importance politique viennent des États-Unis. Or, ces mecs-là, en récupérant directement le hashtag, toute la dénomination autour du Black Lives Matter, il y a tout le travail préparatoire qui a déjà été fait. Donc, même s'ils l'adaptent à la sauce francophone, ils ont déjà la sphère anglophone qui est habituée à ça, ils ont déjà les médias qui en parlent, et donc eux, ils ne font que se rajouter à une dynamique qui est déjà présente. Mais il y a quand même une différence entre ce qu'on peut voir aux États-Unis et en France. Car j'ai déjà vu lors d'une marche antiraciste, pro-noir, des fiertés exotiques africaines et compagnie, des nègres qui disaient ouvertement que, par exemple, le fait de vouloir que ces gens-là prennent notre mode de vie, en fait, que ça soit par exemple d'un point de vue vestimentaire, culturel, alimentaire, genre de choses, c'était de la colonisation à rebours. C'est-à-dire qu'on n'en est véritablement pas à un mouvement qui réclame une équité sociale, mais à un mouvement qui dit nous sommes chez vous, chez nous, et nous ferons ce que nous allons vouloir, et si vous n'êtes pas content, vous êtes des racistes. En gros, on vient, on vous nique, et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Un autre truc aussi que les Africains de France doivent envier aux Africains des États-Unis, c'est que du fait que là-bas ce soit tous des descendants d'esclaves, ils sont tous, il y a une forme d'unité du mouvement noir qui fait que depuis très longtemps des lobbies sont organisés, ils ont une certaine puissance, enfin une certaine puissance, ils arrivent même vraiment à peser dans le débat politique, alors qu'à l'inverse, les Noirs français qui sont tous issus des anciennes colonies, donc chacun avec leur qui ramène leur petite histoire de nationale et tout ça avec eux, ont beaucoup moins d'unité, ils ont beaucoup plus de mal à se sentir. Mais là, ils commencent de plus en plus, justement, sous l'influence des États-Unis et de tout ça, ils commencent à se sentir. Le panafricanisme est en train de gagner la France, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas ce que fout le panafricanisme en France, mais. Je crois pas que le terme soit pas bon. Ouais, ils vendent des noirs qui font n'importe quoi, du coup, si tiens, ça a l'air super, on va faire pareil. Mais bon, bientôt, ils vont faire Baltimore et Chicago, quoi. Mais oui, c'est vrai que bon, nous, c'est pas des descendants d'esclaves, c'est nous, ils étaient importés, quoi. C'était plus voilà, pour faire de l'élevage, même par Daniel Mitterrand, hein, surtout dans l'Essonne, les Maliens. Voilà, on allait prendre un village au Mali. Allez, venez les gars. Je voulais venir sur l'histoire de l'appropriation culturelle, parce que là on a parlé effectivement de cette agressivité là qui s'est récemment encore illustrée, mais le sujet que je voulais aborder avec vous, c'était ce phénomène d'appropriation culturelle. Alors est-ce que vous pouvez en parler, est-ce que vous avez par des exemples très concrets, hein, est-ce que vous pouvez parler de ce phénomène là? Alors oui, et je vais juste avant de le faire, je vais rebondir sur les propos d'Eric ou de Poporo, je ne sais plus, qui parlait du misérabilisme. Et en fait, c'est par ce misérabilisme qu'ils nous ont. C'est très marrant parce que c'est lié à l'appropriation culturelle. On voit souvent, donc dans les sphères panafricanistes, une théorie comme quoi les Noirs auraient été les véritables indigènes de l'Europe, et qu'ils auraient été envahis par les Blancs qui, pas du tout à l'aide de la technologie, ni de leur savoir, d'une quelconque puissance, non, tout simplement à l'aide de leur très haut taux de natalité et d'une, on ne sait peut-être pas, du misérabilisme de l'époque, auraient donc conquis ces populations noires supérieures. C'est très marrant de voir qu'en fait, souvent, ces gens-là, font une inversion accusatoire, projettent sur nous, Européens, ce qu'ils sont véritablement eux-mêmes. Et pour partir donc, dans cette cultural appropriation, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une affaire comme ça, où l'on voyait dans une université américaine, un marxiste, un anti-blanc patenté, avec des dreadlocks jusqu'aux fesses, qui se faisait traiter de raciste et d'appropriateur culturel par une négresse habillée à l'occidental, parlant l'anglais, qui n'est donc pas sa langue de base, hein, parce qu'elle ne parle pas un dialecte africain. Et donc, en fait, ces gens qui sont toujours en train de vous renvoyer à travers la tronche que vous êtes des appropriateurs culturels, que vous n'étiez pas les vrais maîtres de l'Europe, aussi, ça, ce sont véritablement ces populations-là qui sont quelque part jalouses de ce que nous sommes. Voilà. Ouais, alors là, le procès d'intention de jalousie, il est sûrement valable, hein. Mais moi, je vais pas aller jusque-là. Disons que je pense qu'ils n'ont rien, tu vois, et tout peuple, en fait, pour exister, a besoin d'un mythe fondateur, et quand t'as rien, bah, tu te le crées, ex nihilo, tu le crées ex nihilo, quoi. Donc, eux, ils ne peuvent que copier les mythes fondateurs des autres pays, donc qu'ils ont eu des grandes civilisations conquérantes, machin, ça n'a jamais existé. Et on voit que ça touche pas que les Africains, c'est-à-dire qu'il y a un vrai. Toutes les peuplades, en fait, qui n'ont pas d'histoire, essayent de. Vu que on vit dans un chaos culturel hallucinant, elles essayent de tirer bénéfice de cette situation. En s'appropriant une partie de l'histoire, voire l'intégralité de l'histoire de la civilisation. Et on voit que là, il y a Bernard-Henri Lévy qui écrit La France juive, il y a les musulmans. Alors, dès que vous parlerez avec un musulman de l'histoire, vous verrez que Napoléon est musulman, que tout le monde est musulman. Hein. Jean-Jacques Cousteau, je crois que c'est le seul qui soit peut-être vraiment musulman. Mais Non, bon, non, il n'en Jean-Jacques était pas non Cousteau, plus. c'est pas au même niveau que Napoléon. Mais alors, vous pouvez tous. Les faire, ils sont tous musulmans, tous les grands hommes. Même les mauvais, même Hitler, on les prend tous, comme ça, on bouffe à tous les râteliers, quoi. Et puis là, tu parlais des Noirs, alors là, c'est le côté comique. Peut-être qu'on peut parler un peu plus des Noirs que des autres, parce que ça a un côté encore plus grotesque. Moi, enfin, dites ce que vous en pensez. Ouais, il y a un côté dans la façon dont les Africains procèdent, il y a un côté sapeur, quoi. C'est-à-dire que même dans la réappropriation culturelle, en fait, la façon de s'approprier les mérites ou les réalisations d'une autre culture, il y a toujours le côté voyant, tapageur, pas du tout crédible, quoi. Oui, il y a un côté comique, il y a un côté comique, effectivement, enfantin, et c'est le plus frappant, c'est qu'ils ne s'en rendent pas du tout compte. Oui, c'est notamment quand ils prennent l'exemple des pyramides. Il y a un phénomène, Sonny, qu'on appelle We Were Kings, qui a été détourné par les Européens en We Was Kings, façon de se moquer en fait de cette volonté des Afro-Américains ou des Africains de se réapproprier une histoire qui n'est pas la leur. Et dans le sens très comique, on a justement des images où on voit des panafricanistes dire que, par exemple, les pyramides étaient des vaisseaux spatiaux. Et que les Noirs étaient les inventeurs et les possesseurs de ces vaisseaux spatiaux. Et les mecs ne se rendent pas compte à quel point ils sont ridicules. Oui, mais moi j'en ai déjà discuté avec des gens comme ça. Et ce qui est très frappant, c'est qu'en plus, quand ils débitent leur stupidité, outre les bribes de documents qui montrent, ça c'est toujours de la refabrication à l'emporte-pièce, mais en plus, il y a une arrogance qu'ils utilisent par un phénomène de compensation qui est assez rigolo. C'est-à-dire qu'en fait, ils te regardent, tu vois, alors franchement, je veux dire qu'ils regardent le continent africain, la poubelle que c'est, hein. Les mecs ils te regardent, toi qui es en Europe et tout, et les types te regardent de haut comme ça et ils disent bah, attendez, je veux dire, mais quoi? Parce que t'es pas au courant que les pyramides effectivement sont des vaisseaux spatiaux quoi. Tu vois, faut le voir pour le croire. Mais le phénomène est vraiment généralisé et encore ça. En fait ça serait drôle s'il n'y avait pas de conséquences. Mais le fait c'est qu'ils y croient dur comme fer. Que progressivement leur baratin, en fait, pour leur faire plaisir, notamment dans l'éducation nationale, dans les programmes d'éducation nationale, on commence à vouloir les valoriser, c'est-à-dire pour les intégrer, pour dire voilà, enfin, là en l'occurrence pour les Noirs, on commence à essayer d'intégrer dans les programmes scolaires l'histoire en fait de certains pays africains. Alors je crois que c'est le fameux Empire du Mali. Alors ça y est, là on en a fait des tonnes sur ce truc-là. Et ce que peut-être un certain nombre de personnes ne voient pas, c'est que ça a vocation à avoir des conséquences politiques et à légitimer, pas uniquement de la réappropriation historique, mais littéralement de la réappropriation de droits politiques, voire de privilèges. Et c'est très rigolo parce que ça prend même une forme monétaire. Alors il y a tout, vous savez, il y a cette histoire de revendiquer des compensations pour l'esclavage. Vous connaissez ça. Très récemment, ils ont lancé un site internet, je crois. Je ne sais plus où c'était, mais pour pour les blancs qui le voulaient, de pouvoir verser de l'argent pour compenser pour l'esclavage. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non, pas du tout, mais ce que j'ai vu, alors c'est pas sur le Nord, sur les Maghrébins, il y a en Espagne des Maghrébins qui, par exemple, ont demandé des réparations pour le fait que les Maghrébins ont été foutus dehors de l'Espagne. Voilà, parce qu'ils ont dit, oui, nous, c'est à l'Andalous, vous nous devez tout, donc maintenant, vous payez. Et c'est, ça participe du même phénomène, en fait. Là, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai problème politique et tout, donc ils peuvent pas dire que c'est une invention. Les Africains, eux, c'est un peu plus imaginatif quand même. Hein. Bien sûr. Un peu plus imaginatif quand même. C'est des mêmes mythes en fait. Parce qu'il y a un mythe qui est très prégnant en Europe, c'est que nous, les Européens, devons tout notre savoir à la transmission par les Arabes du savoir antique. Et ce qui est faux, si vous lisez par exemple Aristote au Mont-Saint-Michel par je ne sais plus l'auteur, mais cherchez Aristote au Mont-Saint-Michel. Sylvain Guggenheim. Exactement, Sylvain Guggenheim. Oui, c'est le même phénomène, mais en fait qui est antérieur en France au phénomène dont on parle, et qui commence à émerger avec des gens comme Rokhaya Diallo et tout, hein, qui justement diffuse ça, la réappropriation culturelle par les Africains, par les Noirs. Mais c'est vrai que depuis longtemps, et ça c'est plus dû à l'université française qui est quand même, il y a beaucoup d'éléments gauchisants ou socialisants qui ont popularisé cette thèse comme quoi en fait l'Europe en gros au Moyen-Âge, l'Europe chrétienne était une terre primitive et que grâce aux Arabes et à leur intelligence on a pu accéder au savoir grec. Il semble que dans l'intervalle ils n'ont pas compris que les Grecs étaient des Européens. Ça c'est toujours la chose qui relève pas. Mais c'est vrai qu'il y a ce préalable qui a créé un terreau fertile à mon avis pour ce genre de théorie. Bien sûr. À mon avis, hein. Mais on pourrait croire qu'en fait, c'est toutes ces théories, c'est quelque chose de très marginal et quelque part d'assez européen en fait, une sorte de dissidence internet folle. Mais l'une des universités les plus réputées de Dakar, c'est l'université Cheikh Anta Diop, et c'est profondément ancré dans les croyances bon, évidemment des Africains. Mais également des Africains présents en France. Alors, Diop, c'est la deuxième famille plus nombreuse du monde après les Traoré. Attendez, est-ce que quelqu'un peut dire pour nos auditeurs qui est Cheikh Anta Diop? Cheikh Anta Diop, c'est celui qui a repris toutes les théories développées notamment aux États-Unis par la Nation of Islam. Hein, comme quoi les Noirs, c'était, enfin, les Égyptiens, tout ce qui était l'Égypte ancienne, l'Égypte antique, c'était des Africains, des Noirs, hein, et que cette civilisation-là a été anéantie par les Blancs, voilà, et que donc, à l'époque, ils faisaient des vaisseaux spatiaux, plus ou moins. Hein, donc c'est une caricature donc, rappelle, c'est le francophone de cette théorie-là, de cette théorie du noir qui va dans l'espace 3000 ans avant Jésus-Christ. Oui, alors il faut, en fait, Cheikh Anta Diop, c'est quelqu'un qui se veut historien, qui a créé une forme d'historiographie africaine dans laquelle, en fait, il y a une réécriture totale de l'histoire, même du monde, hein, de l'humanité, où il explique en substance que toute la civilisation a pour origine les Africains, enfin le continent africain et la race africaine. Et il explique effectivement qu'une des manifestations les plus visibles de cette naissance de la civilisation au cœur du monde noir, c'est la civilisation égyptienne, qui serait donc une création exclusivement noire. Et à partir de là, il a toute une explication de l'évolution de l'histoire humaine, qui a pour point de départ ce mythe originel. Et effectivement, c'était bien de le rappeler, Magda, hein, il faut vraiment discuter avec des Africains pour le comprendre. C'est pas du tout quelque chose d'anecdotique, ils sont tous absolument convaincus, mais ils y croient dur comme fer que c'est effectivement en gros les Blancs, pas que, mais les Blancs notamment doivent tout aux Africains. C'est vraiment surréaliste. Hein. Et ils disent, il y a notamment cette formule qui revient très fréquemment dans les discussions avec les Africains, c'est « nous étions des rois quand vous étiez des sauvages dans des cavernes ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu ça, mais ils le servent ça. Oui, non, mais oui, c'est incroyable. Ils aiment bien dire qu'ils étaient des rois. C'est comme a dit Hobman tout à l'heure. Hein. C'est We were kings. Ah, oui, we were kings. Non, aussi, ils sont très dans les froufrous et tout ça. C'est-à-dire que eux, peut-être que ce qu'ils appellent roi, c'est celui sur lequel ils ont mis une couronne en papier après avoir tourné autour du feu en jetant du sel par-dessus les épaules. C'est la vraiment. Question, elle est pas là, en fait. La question, elle est que tout ça, ça sert véritablement à légitimer leur présence en Europe. Donc. Par là, notre destruction sur le long terme. Il ne faut pas oublier que les Africains, c'est pour l'instant, c'est à la fin du 21e siècle, c'est 2 milliards d'individus. Quoi. 2 milliards d'individus qui vont venir chez nous parce que tu comprends, ben on leur doit tout. Hein oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. C'est ça le point central dans ce phénomène d'appropriation culturelle. C'est réécrire l'histoire pour légitimer une politique anti-blanche. Hein. Une politique expansionniste, invasive, parce que ouais. Tout à l'heure, quelqu'un me lisait, je crois que c'était toi Gandalf, qui lisait la définition du parasite. Comme ça, je sais pas si c'était lié à une discussion sur les Africains. Mais en tout cas, la définition du parasite, la définition clinique, scientifique quoi, du parasite, c'est une définition qui ressemble de très près, si on voit la France depuis une montgolfière, ça ressemble de très près à ce que sont en train de faire les Africains en France. C'est-à-dire aucune productivité, une expansion démographique hallucinante, un rapport entre ce qu'ils apportent et ce qu'ils prennent, qui est complètement déficitaire pour les gens qui sont autour d'eux. Alors, c'était pas parasite, c'était nuisible, parce qu'il y a des différences très importantes au niveau biologique. Un parasite, ça s'attache à un hôte. Alors, on peut effectivement dire ça, mais si tu veux, un parasite ne peut pas survivre sans son hôte. Or là, on n'en est pas là. C'est-à-dire que les Européens disparaîtront à la fin, quoi. Si rien n'est fait. Donc, c'est... Enfin, bref. Que le commandant Cousteau ne s'est pas converti à l'islam. Il a été pris en photo, je pense, en Malaisie, dans un pays comme ça, qui est musulman asiatique. Il a participé à une cérémonie pour le folklore, et ça sert effectivement de justification aux musulmans pour leur présence en France, hein, parce que le commandant Cousteau est une des grandes figures scientifiques françaises, et vous comprenez bien que si le commandant Cousteau, grand scientifique de son état, s'est converti à l'islam, c'est que l'islam c'est très bien, et que donc il faut accepter et l'islam et les musulmans, donc les afro-africains. Quoi. Voilà. Et sur ce, je vous dis une bonne soirée. Ah ben, à bientôt. Bonne soirée à toi. Je suis bien désolé que tu ne puisses pas faire la fin de l'émission. Passe une bonne soirée. Moi, je voulais dire que les Africains, et vous pouvez imaginer ce que ce type de logiciel va impliquer au niveau psychiatrique. Ça donne un peuple qui, à un moment donné ou à un autre, enfin, les individus de ce peuple se fracasseront contre la réalité. Alors qu'ils sont dans un déni de la réalité qui est tellement énorme, parce que les peuples sont rien de plus que des êtres collectifs. Et à un moment donné, de même que sur le plan individuel, il faut accepter les cartes qu'on a en main pour les jouer du mieux possible, les Africains, c'est la même chose. Moi, je ne dis pas, je ne vais pas tomber en disant qu'ils n'ont aucune carte à jouer. Ils n'ont aucune carte à jouer dans les civilisations, le combat entre civilisations. Là-dedans, ils n'ont aucune carte à jouer. Mais ils peuvent jouer, ils peuvent se replier, ils peuvent aller vivre dans leur petite tribu, ils peuvent faire tout un tas de choses très bien, rêver, danser, faire tout un tas de choses que nous, on fait plus et qui sont peut-être tout à fait épanouissantes. Simplement, là, ils ont adopté une psychologie de blanc sans avoir les moyens de l'assumer, quoi. Sans avoir rien derrière. Et face à ça, généralement, on finit dans une grande dépression parce que c'est la réalité vient nous. Ok. Moi, je voulais enchaîner sur un autre sujet. Vite fait, hein, ça c'est juste un tout petit sujet, mais ça m'a paru valable d'en parler. C'est par rapport à Trump. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a sorti. Il a sorti. Pendant un discours de campagne, là, bon, il est devenu le candidat officiel du Parti républicain. Et au détour d'une conversation, il réagissait, vous savez, à l'attentat. Là, bon, tout le monde sait ce qui s'est passé à côté de Rouen, le prêtre qui a été égorgé par deux djihadistes, on va dire. Et il a dit « La France n'est plus la France ». Il raconte l'anecdote, j'ai un copain qui voulait aller en France, je l'ai revu et je lui ai demandé « Bon, alors que tu as trouvé la France comment ?» Et il m'a dit « Non, je vais pas en France et tout ». Et Trump lui demande « Bon, pourquoi ?» et tout. « Ah non, il n'y a pas moyen, c'est pas possible, c'est trop dangereux et tout, je retourne, je veux plus aller là-bas ». Et là, il dit « Ouais, la France n'est plus la France, c'est fini, quoi ». Et ça a suscité des réactions de colère de la part de Hollande et de Valls. Hein. Ils sont vraiment emportés. Est-ce que ça vous a inspiré, ça, que peut-être le potentiel prochain président des États-Unis dise que bah voilà, la France c'est devenu en fait un pays du tiers-monde pratiquement, quoi. En tout cas, un pays en voie de tiers-mondisation. Oui, la France est terminée, c'est un peu ça le message, effectivement. Il a aussi parlé, je ne sais pas si c'était un discours ou dans son programme, comme quoi s'il était élu, il mettrait des contrôles extrêmement stricts aux ressortissants français pour entrer aux États-Unis. Voilà, donc on est à peu près au même niveau que le Soudan maintenant, hein, donc le ressortissant soudanais, si on se rend aux États-Unis, ça sera sympa. Est-ce qu'après, là, au niveau de la réaction de Manuel Valls, François Hollande, est-ce qu'ils n'ont pas peur peut-être de se prendre le, comme ils disent, le Trump train dans la gueule, hein, parce que s'il est élu en 2016, hein, je pense que ça va créer une certaine dynamique sur le continent européen, à n'en pas douter. J'ai l'impression que, que Hollande, la façon dont il communique, hein, comme Valls, sont absolument convaincus que Trump ne peut pas gagner. Parce que la façon dont il réagit, c'est assez agressif, assez condescendant même. Et j'ai l'impression qu'ils sont convaincus que Clinton va gagner, que c'est dans la poche, quoi. Et comment dire, vu ce que dit Trump, si jamais il est élu, vous imaginez la soupe à la grimace de Hollande s'il doit rencontrer un président qui lui dit en gros « Bon, ton pays, c'est le tiers-monde. Moi, je laisse plus passer tes ressortissants parce que tu sais même pas qui fait quoi dans ton propre pays. » Ça aura des conséquences assez drôles, on va dire. Quelqu'un d'autre a envie de parler de ça? C'était juste une anecdote, mais enfin, c'est pas rien. En tout cas, c'est inédit. Hein. Moi, j'ai jamais entendu un président américain comme ça ou un candidat sérieux à l'élection présidentielle américaine parler comme ça de la France. Personnellement, j'ai pas de souvenir. À l'époque lorsque Chirac avait refusé d'aller en Irak, il y avait quand même eu des réflexions assez dures sur les Français, mais c'était pas la France, c'était le gouvernement français. Là, c'est la France qui est terminée dans son ensemble, quoi, du gouvernement jusqu'à sa population. Oui, mais ça a un vrai impact parce que il y a aussi cette dimension internationale. C'est une campagne électorale américaine. Forcément, tous les médias mondiaux s'intéressent. Donc, les moindres déclarations des candidats comptent. Et d'avoir les États-Unis qui disent nous, enfin, le candidat républicain qui peut devenir président des États-Unis, qui dit ça, ça pose une vraie question de crédibilité de la France à l'étranger. Ben, avec toutes ces attaques qu'on a sur notre sol, on est quand même devenu l'épouvantail du monde, quoi. Il n'y a même pas besoin d'attentats pour voir que la France est devenue une poubelle. Je me souviens il n'y a pas longtemps, un entrepreneur anglais qui disait que Paris c'était la poubelle du monde. Mais c'est une réalité. N'importe qui veut se trimballer gare du Nord ou gare de l'Est voit très bien que la France africaine, c'est l'Afrique. Il y a encore des pays comme par exemple la Suède qui sont, alors là peut-être un petit peu moins avec ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années, mais qui est encore bercé de 12 illusions cosmopolites, antiracistes et tout ça. Et eux aiment la France. Hein. La France, c'est le pays qui, voilà, c'est France 98, c'est la France qui gagne Black Blanc Beurre, c'est le rap, le meilleur rap d'Europe. Enfin, c'est toute cette merde qui nous dit absolument rien, quoi, qui n'existe même pas à nos yeux, mais qui existe aux yeux des médias suédois pour vendre encore le multiculturalisme. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent les Suédois quand ils viennent se balader justement à Gare du Nord et tout ça. Mais bon, de toute façon, la France, c'est sûr, c'est la poubelle du monde. Ce que disait McDav est vrai. À chaque fois que tu regardes un match de foot, par exemple, de l'équipe de France depuis l'étranger, mais tu es la risée. Donc à chaque fois, Quasiment tu te positionnes pour l'autre équipe européenne, tellement tu as honte de ton équipe, quoi, qui est composée de. Enfin bref, je ne veux même pas m'étaler là-dessus, parce qu'après. Mais il avait Trump avait déjà en fait parlé de ça quand il avait parlé de Bruxelles ou de Paris. Hein, il avait dit c'était un trou à rats en parlant de Bruxelles et en disant que Paris avait complètement changé. Enfin, il avait parlé de Bruxelles en disant voilà, moi j'étais à Bruxelles il y a 20 ans, c'était très beau. Maintenant c'est l'enfer. Et c'était avant les attentats de Bruxelles en plus. Et Paris, de la même façon, il avait dit ça ressemble plus à Paris. C'est parti, c'est fini, etc. Non, mais c'est vraiment, c'est des propos assez durs, mais enfin, c'est des propos qu'on tient. Et que tous les présidents forts, tous les présidents un petit peu testostéronés tiennent. Parce que Poutine avait en gros, pareil, je sais plus quand on lui avait fait à l'envers sur un je sais pas, des avions, enfin, des ventes qu'on devait, des contrats qu'on devait avoir avec lui, on lui a fait à l'envers ou quelque chose comme ça. Excusez pour mon imprécision, mais peu importe. Poutine avait déclaré que c'était fini, que Hollande c'était un sous-homme, enfin c'était vraiment ça y est quoi. C'est-à-dire que tous les autres peuples ont tiré le rideau là. La France c'était beau, ça a duré 1500 ans. Maintenant, tu sais, dans les bouquins, il y a la date de naissance, date de mort, quoi. Date d'arrivée de Clovis et puis date d'arrivée de François Hollande, quoi. Voilà, donc l'avenir du pays, c'est d'être le pot de chambre du monde sur lequel tous les pays crachent, voilà, en passant devant. Alors moi j'y crois pas à ça. Moi je n'y crois pas là. Je vais en avoir pour une minute, mais la France est un pays trop beau pour que les élites mondiales le laissent se fracasser. Donc à un moment donné, quand les gens vont voir que c'est un pays qui n'a plus aucune colonne vertébrale, qui n'a plus rien, plus de tête, n'a plus qu'un anus, enfin des anus, 60 millions d'anus pour jeter toute la merde. Des étrangers viendront s'en mêler, viendront s'en mêler. Enfin là, aujourd'hui, on a des étrangers qui viennent s'en mêler, mais on comprend bien que eux, ils ne peuvent rien faire de ce pays magnifique. Mais les Chinois, enfin tout le monde, les Américains, bref, les Russes, énormément de gens vont mettre de l'argent, des ronds dans ce pays qui est le plus beau du monde, et à un moment donné, ils en prendront le contrôle, quoi. Mais là, je parle sur du très long terme, c'est de la prophétie à la petite semaine, mais je ne peux pas imaginer un pays aussi beau qui est abandonné aux mains des gens au plus bas QI, à la plus basse morale que la Terre ait jamais portée, quoi. Je sais pas, hein, parce que actuellement, très honnêtement, quand tu vois quand on regarde les alliances stratégiques du gouvernement français, de la France, le peuplement qui est en train de se modifier, bah, en fait, je veux dire, ils sont alliés avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, enfin, en gros avec les Arabes, en général sunnites. Tu as des énormes contrats d'armement qui font qu'ils sont pieds et poings liés. En même temps, ils ont ouvert toutes leurs portes. À l'immigration afro-musulmane, en gros, quoi. Et gère tout le temps à faire de la France, en fait, j'allais dire le fer de lance du tiers-monde musulman, quand même, hein. Donc, je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que de fille aînée de l'Église est en train de devenir fille aînée du monde afro-musulman, quand même. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. On verra bien, mais voilà. Mais enfin, en tout cas, déclaration de Trump, moi, j'ai trouvé fracassante, et qui a quand même déclenché des commentaires au plus haut niveau du gouvernement français. Bon, ils ont bien compris que c'était des propos qui étaient lourds de sens, hein. C'est pas juste une petite phrase comme ça qui fait rire ou qui fait pas rire. Ça dépend où on se situe. Voilà. S'il a dit cette phrase, hein, c'est que ça a un écho sur son électorat aux États-Unis. Donc, Ah oui, totalement. ça va pas être loin de ce que pense l'Américain moyen de la France, quoi, hein. C'est bon, c'est Bah, sans faut toute bien façon. comprendre que là j'ai quelque chose à dire. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que pour les Américains, pour 200 millions d'Américains, la matrice, c'est l'Europe. Ce sont tous des migrants européens. Enfin, les blancs sont tous, par définition, des migrants européens. Donc, pour eux, c'est un petit peu le foyer originel. Et voir le foyer originel se transformer en marais africain ravagé par des attaques, comme on l'a vu, ça ne peut pas les laisser indifférents. Et ce qu'a dit Trump, je pense que c'est assez profond. C'est-à-dire que les Américains, bon, ils ont créé un pays, les États-Unis, et plus généralement l'Amérique du Nord, bon, qui a sa propre identité, ses propres référents, mais qui sont quand même très largement inspirés de la civilisation européenne. Et je pense qu'il y a un vrai traumatisme pour eux quand ils vont en Europe justement un peu pour se ressourcer. Parce que s'ils sont italiens, je présume qu'ils vont au moins une fois dans leur vie essayer d'aller en Italie, voir leurs racines, enfin redécouvrir leurs racines, etc. Et de la perspective de voir ce qui est pour eux un continent très idéalisé, hein, c'est très idéalisé dans leur esprit, hein, l'Europe, se transformer en poubelle, je pense que ça les touche personnellement, ils se sentent touchés, je pense. Et ça leur pose question, ça les interroge vraiment. Ils se disent, attendez là, qu'est-ce qui se passe ? Et d'une certaine manière, ils se disent, est-ce qu'on ne va pas connaître le même sort ? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et moi, j'ai assisté à des débats, bon, évidemment, par Internet, mais à des débats de gens à très haut niveau, hein, dans la vie politique américaine ou dans la réflexion stratégique. Les gens disent, comment peut-on faire pour éviter de connaître le sort de l'Europe ? Parce que dans leur esprit, il y a un certain nombre de pays en Europe qui, pour eux, sont déjà finis. Hein. La Suède, considérée comme complètement terminée, dans l'esprit des Américains, ceux qui réfléchissent sur ces sujets-là, je parle de gens qui ont été dans les administrations américaines au niveau gouvernemental, ils disent, ok, c'est fini, la Belgique, c'est terminé, la France, c'est probablement fini, la Grande-Bretagne, ça se décide en ce moment, c'est comme ça qu'ils parlent quand même, les gens. Ah oui. Et voilà. Moi, pour la Suède, ça fait 10 ans, parce que c'est un pays que je connais assez bien, ça fait 10 ans que je dis que c'est un laboratoire de comment défoncer le cul d'un pays en quelques années. Et ils ont fait avec la Suède quelque chose d'absolument incroyable, c'est-à-dire transformer le pays où tout le monde rêvait de s'établir. Il y a 50 ans, la social-démocratie suédoise faisait rêver tout le monde. Alors évidemment, nous, social-démocratie, ça nous fait gerber à premier abord. Mais avec un peuple homogène, un peuple travailleur, un peuple structuré, ça fonctionnait très très bien. Et ils ont, avec 20 ans de retard, accepté des vagues de réfugiés politiques, ce qui est généralement de meilleure qualité que des immigrations de peuplement. Hein. Normalement, les réfugiés politiques, il y a tout et n'importe quoi, mais il n'y a pas que des... L'immigration de peuplement, c'est globalement que des Noirs qui n'avaient pas de travail chez eux, globalement, 90%. D'ailleurs, les Algériens, les Marocains de là-bas nous disent tout ça. Ils nous disent que ce qui nous a été envoyé, c'est la lie du Maghreb. Quoi. Tandis qu'eux ont eu de tout et de rien. Et ils ont eu, au départ, des gens venus des quatre coins du globe. Des Indiens, des Iraniens, des Yougoslaves, Et ces gens-là ont amené des problèmes exactement comme nous, les Italiens, en avaient amené quelques-uns. Les Yougoslaves ont amené un petit peu de criminalité, enfin, voire un petit peu beaucoup. Mais tout ça qui se passait de façon gérable, parce que ça reste des peuples qui ont plus ou moins les mêmes codes et tout ça. Et d'un seul coup, sont arrivés les Somaliens. Quoi. Et en parallèle de l'installation de ces peuples extra-européens, le féminisme frappait, mais avec une violence pas possible là-bas, hein, jusqu'à essayer de faire pipi assis aux petits garçons. Donc, tu combines les deux, des peuples d'une barbarie extrême, comme les Somaliens qui vivent entre les pirates, les djihadistes, les razzias permanentes, les viols de masse. C'est un pays qui est dans le chaos le plus... Là-bas, la fin du monde, elle est concrète, quoi. Ces gens-là arrivent en masse sur Stockholm depuis les années 90, pendant que nous, on leur envoyait des sacs de riz. Manifestement, les sacs de riz de Kouchner ne suffisaient pas. Eux se les ramassaient aux alentours de Stockholm et à Malmö. Et aujourd'hui, ils ont fait fuir tous les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des quartiers intégralement somaliens, parce que les Somaliens sont encore bien plus barbares que tous ceux qui étaient venus avant. Et quand on dit que la Suède est terminée, c'est qu'il faut comprendre pour ceux qui se disent que ça peut pas être terminé en ayant commencé avec autant de retard par rapport à nous, c'est terminé parce que c'est un pays bien plus petit. C'est un pays de 8 millions d'habitants au départ dans les années 90, c'est 8 millions d'habitants au moment où l'immigration démarre. Là, ils en sont à 10 millions, et dans ces 10 millions, il y a 1,5 million d'immigrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'ils sont déjà au niveau des proportions et au même niveau que la France. Sauf que 1,5 million de barbares contre 6 millions d'êtres civilisés, en réalité, c'est, enfin 8 millions d'êtres civilisés, mais efféminés, ça donne une domination complète de ces gens dans la rue, dans la façon dont ils se comportent. Vous savez, ils intimident tout le monde du regard et personne ne va rien dire. Alors les Suédois ont un côté légaliste qui fait qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont expulsés et tout ça. Parce que malgré tout, le Suédois, même efféminé et tout ça, c'est quelqu'un qui suit les ordres, c'est quelqu'un qui suit les contrats. Et avec ces immigrés, il y a des contrats, ils doivent faire certaines choses. Et s'ils ne les font pas, ça arrive quand même, il ne faut pas exagérer, qu'ils se fassent dégager. Mais par rapport au nombre qui arrive, ils ne peuvent plus du tout le gérer. Donc c'est évident, c'est fini, quoi. La Suède, on peut tirer le rideau, tirer la chasse. La Norvège, les autres pays du Nord sont pas à ce même niveau. Mais bref, tout ça pour dire que les Américains ont raison là-dessus. Hein. Et la France, je pense que c'est ce que tu disais, ça en est au même niveau que la Suède, dans leur point de vue. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant, la France aux États-Unis, c'est considéré pour la gauche américaine comme un vrai modèle, et un peu moins d'ailleurs la Suède. Par contre, pour parler de, comment dirais-je, de, pour dire à nos auditeurs. À quoi ressemble un Scandinave gauchiste, et notamment une Suédoise, enfin un Suédois, ce que serait un Suédois ou une Suédoise féministe. Désolé, je suis obligé de passer par la Norvège, mais c'est à côté, c'est Eva Joly. C'est ça, hein, la féministe née dans les années 40-50 qui domine aujourd'hui totalement le système politique suédois, c'est des Eva Joly. D'ailleurs, quand, vous savez, il y a eu la crise des migrants, enfin, donc il s'est intensifié, ils ont accueilli, je crois, dans la seule année 2015, quelque chose comme 150 000 migrants. Il y avait, je crois que la ministre de l'Intérieur qui avait fondu en larmes lors d'une conférence de presse en expliquant qu'ils ne pouvaient plus accueillir autant qu'il le souhaitait pour des raisons de sécurité, etc., ou des raisons matérielles, des raisons logistiques. Et elle s'était effondrée en larmes en disant qu'elle était désolée de ne pas pouvoir. Et là, on se dit, bon, ok, ils sont finis, quoi. Enfin, je pense que vous l'aviez vu, ça. Oui, moi, je peux pas les raconter là parce que ça cadre pas avec. Avec une émission et ça lasserait les auditeurs, mais c'est un pays qu'il faut le voir pour le croire, quoi. Ouais, c'est le plus dégueulasse, c'est que tu vois qu'ils ont un phénotype, c'est des beaux Européens, quoi. Ils ont des belles femmes, les mecs sont assez beaux et tout. Enfin, c'est vraiment des beaux Européens et tu vois, ils sont en train de se souiller avec effectivement avec tout ce que tu peux imaginer comme rebut de l'humanité qui arrive là-bas simplement pour toucher les aides sociales qu'on leur donne, voilà. Et c'est un suicide. Ça va, je pense que tu peux me le confirmer. Ça va bien, ça va au-delà de la France. Ça va au-delà de la France. Oui, ça va bien au-delà de la France parce que ils n'ont pas déjà un parti nationaliste structuré. Alors on peut dire que le parti nationaliste, on peut émettre tout un tas de critiques, mais il y a quand même en France 40% des votants aujourd'hui ou 35% des votants. Qui sont nationalistes en Suède, c'est en train de prendre. En fait, le truc des pays plus petits, c'est que leur inertie est plus petite aussi. Donc, ils peuvent se ressaisir encore. Ils sont quand même dominants. Il y a encore 8 500 000 blonds aux yeux, d'ailleurs, souvent des yeux marrons. Hein. On se trompe en croyant que les Scandinaves ont tous les yeux bleus. Il y a presque plus de yeux bleus au nord de l'Italie qu'en Suède. Mais passons. Tous ces blonds, ces 8 500 000 blonds, peuvent se réveiller. Parce que là, il y a face à ce qui est en train de se passer, comme je le disais, ils sont quand même très légalistes, très contractuels. Quoi. La parole donnée doit être une parole respectée. Ça reste des Nordiques malgré tout. Et ils peuvent encore très très rapidement agir. Mais en tout cas, leur situation est bien pire que la France, parce que le politiquement correct est encore globalement installé. En France, dans le Sud, apparemment, le politiquement correct, il a explosé en 1000 morceaux avec les premiers attentats. Et dans le Nord de la France, c'est aussi en train d'exploser. Donc déjà, nous, on commence à être libérés petit à petit du politiquement correct dans la sphère privée. Est-ce que eux en sont encore totalement imprégnés? C'est-à-dire, ne songez pas à parler de la situation politique catastrophique dans laquelle se trouve l'Europe au boulot en Suède. Non, là, c'est encore un peuple de petits bourgeois qui n'a pas pris conscience que dans 10 ans, il pourrait être au niveau du Soudan. Enfin, au niveau de la Somalie, puisque c'est les Somaliens qu'il y a chez eux, il n'y a pas de raison qu'ils soient au niveau du Soudan. Mais non, non, catastrophique, catastrophique. Et face à ça, juste à côté, si je peux faire, c'est pas dans le sujet, mais si je peux faire une petite digression sur la Finlande, on a la Finlande qui s'inscrit un petit peu en faux par rapport à ce projet de désintégration et de dissolution, parce que eux, la Finlande est un peuple jeune au niveau, en tout cas, de sa structure étatique et tout ça, et c'est un peuple surtout qui n'a fait que de se battre pour conserver son identité. Donc un peuple qui se bat depuis 2000 ans, sans arrêt, sans jamais s'arrêter, comme les Tchétchènes, comme les Serbes. Enfin, il y a des peuples comme ça qui ont une très forte identité parce qu'ils n'ont jamais cessé de se battre, quoi. Et les Finlandais, en plus, n'aiment pas les Suédois, parce que les Suédois ont toujours eu une emprise culturelle sur eux. Il y a énormément de Finlandssvensk en Finlande. Le suédois est encore imposé comme langue obligatoire en Finlande. C'est avant l'anglais, hein. Vous devez parler finlandais et suédois quand vous êtes finlandais. Et ce truc a créé une forme d'animosité. Et voyant la Suède se désintégrer, je crois que la Finlande, et on le voit avec l'épopée des Trufins, même s'ils ont fait quelques petites erreurs, hein, les Trufins, c'est pas des flèches complètes au niveau de la stratégie politique, mais les Finlandais globalement ne peuvent pas. Ne peuvent pas souffrir le projet qu'on est en train d'essayer de leur vendre, quoi. À part de ouais. Helsinki, les Finlandais, voilà. Enfin bon, passons. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est de Finlande que viennent les soldats d'Odin, ce fameux groupe qui s'est opposé justement à l'immigration, enfin à l'arrivée des migrants. Ils faisaient des patrouilles dans les rues des villes, je crois, de Finlande et surtout à la frontière. Donc quelque chose de cet ordre-là, et c'est vrai que c'est venu de Finlande et c'est pas du tout venu de Suède, quoi. Ouais, très très intéressant. Bon, on va faire une petite pause musicale et ensuite on passera à la deuxième partie qui sera consacrée à l'actualité sanglante, malheureusement encore une fois, mais qui a de lourdes implications pour la suite des événements. Allez, on se retrouve après un petit épisode musical. Et si pour soir on expulsait les négros, comme s'il était temps de changer de drapeau. Et si ce soir il rentrait à Bamako, avec leur négresse par le premier bateau. C'était pourtant bien. Tous ces Mamadou, tous ces gentils Maliens qui vivaient tout autour de nous, ils sentaient si bon, et moi j'étais pour leur donner du galon, leur carte de séjour. Et si pour voir on dégageait les bicots, comme au bon vieux temps où on était capot, on ne verra plus ces gens en boubou, la foule des exclus, des vendeurs et des marabouts. Mais on s'y fera bien sur le sol de France, les bien-pensants de demain on se trouvait d'autres souffrances. Et si pour voir on butait tous les négros, avec leurs enfants, leurs femmes et leurs troupeaux. Et si ce soir on les mettait au poteau, un peu de tendresse à coups de fusil d'assaut. Et si pour voir on virait tous les négros, restons entre gens de même couleur de peau. Et si ce soir ils rentraient à Bamako avec leur négresse par le premier bateau, et si pour voir on expulsait les migrants, comme s'il était temps de changer de drapeau, et si ce soir ils rentraient à Bamako. Donc voilà, après cette pause musicale, on revient donc à cette deuxième partie de démocratie participative. Et évidemment, le sujet de cette semaine, et malheureusement c'est récurrent, je suis bien obligé de le constater, c'est un nouvel attentat particulièrement sanglant dans la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie. La plupart de nos auditeurs sont au courant de ce qui s'est passé. Hein. Un prêtre de 86 ans, si ma mémoire est bonne, a été égorgé pendant la messe par deux jeunes maghrébins se revendiquant de l'État islamique. Quelqu'un veut rappeler les faits ou tout le monde sait à quoi s'en tenir? Oui, je crois que tout le monde a entendu parler. Ouais, voilà. Être égorgé, etc. Mais, vas-y, je te laisse continuer maintenant, t'as vu. Ouais, donc bon, ils ont. Il s'est échappé par la porte arrière et qui. Oui, qui a pu alerter la police et ensuite ils ont neutralisé effectivement les deux individus. Alors, bon, c'est un petit peu normal, mais dans les premières heures, on n'a pas trop su de qui il s'agissait. Je crois qu'il y a toujours cette longueur, on attend d'avoir l'identité, même si on s'en doute. Et puis ensuite sont tombés les deux blazes. Hein. Il y a un blaze, c'est un Algérien de 19 ans qui s'appelle Adel Kermiche de mémoire, et le deuxième s'appelle Abdel Malik Nabil Petitjean. Ça c'est un petit peu le côté, j'allais dire, très révélateur, on va y venir, de ce qui est en train de se passer. Et ils ont fait une revendication en vidéo où c'était un petit peu à l'image de ce qui est de ces gens-là. Enfin, des salam alek en arabe, ils prêtent allégeance au calife Abou Bakr al-Baghdadi, etc. Alors, est-ce que quelqu'un veut revenir sur le profil d'Abdel Malik Nabil Petitjean? Si tu permets, moi j'ai bien envie de revenir dessus, sur ce profil, hein, pour le moins représentatif de ce que devient la France, c'est-à-dire la rencontre du Maghreb avec la France, voilà, ça produit ce type d'individu, c'est-à-dire des machins jeunes, hein, et complètement débiles. Voilà, Abdel Malik Petitjean, on le voit dans la vidéo qui s'exprime comme le rappeur que tu vas trouver dans n'importe quelle cité au bas de son immeuble. Et voilà, on attend toujours les futures montagnes, ce genre de choses, hein, qui sortent. Oui, alors il faut préciser un truc, c'est-à-dire il a un de ses parents qui est maghrébin d'origine et l'autre qui est français d'origine, c'est-à-dire que c'est un métis en fait, je crois. C'est ça, c'est la rencontre, hein. C'est ce qu'on nous a vendu comme étant le paradis, quoi, le paradis multiculturel, multiethnique, le métissage, n'est-ce pas, hein, obligatoire. Oui, en fait, c'est une intégration à l'envers, en fait. C'est-à-dire. De toute manière, oui, c'est l'intégration. Parce qu'en fait, les médias au début. les médias au début, ils ont présenté Saint-Étienne-du-Rouvray comme étant, en fait, au début, c'est un village. Ils ont dit c'est un village, alors qu'en fait, pas du tout, c'est une commune qui est d'une taille tout à fait significative, avec des énormes bars HLM. Et pour avoir discuté avec des habitants du secteur, ils m'ont dit non, mais attendez, c'est comme la banlieue parisienne. Ici, il y a énormément d'immigrés musulmans. Les quelques blancs de souche qui vivent dans les HLM s'amalgament en fait à la population maghrébine, parce que c'est essentiellement la population maghrébine, le plus souvent se convertissent, et y a une espèce d'amalgame bizarre qui se fait, et lui vraiment est assez symptomatique de ça. Alors sur la vidéo, il a une touche extraordinaire, il s'est mis plus ou moins un truc sur la tête, je sais pas trop quoi. Et ça donne la barbarie, quoi, parce qu'ils ont donc égorgé ce prêtre là. Donc voilà. Alors Abdel Malik Nabil Petitjean. Voilà. La chose très frappante, c'est la vulgarité, vulgarité au sens littéral, hein, c'est-à-dire à quel point ce type est commun. Moi qui viens de banlieue, des cassos comme ça, avec des noms. C'est dans Orwell, non, qu'il y a un mec aussi qui a un prénom maghrébin et un nom européen, je ne sais plus quoi. Enfin, c'est vraiment les produits de la. Les produits de la postmodernité, quoi. Et le type est normal, en fait. C'est ça qui est ultra flippant. Enfin, il est normal, pas pour nous, hein, on se comprend, il n'est pas normal pour les gens normaux. Mais il est normal dans sa manière d'être taré. Des tarés comme ça, il y en a des centaines de milliers. C'est vraiment flippant, quoi. Parce que moi, j'ai quand même cru au départ qu'on avait affaire à des types qui avaient été formés là-bas, qui avaient pris du Captalgon, qui avaient été drogués, leur cerveau avait été lavé. Mais là, c'est un type qui a écouté 3 Nashid sur Facebook, qui avait une vie de merde, qui a regardé 2 reportages sur la Syrie, sur le 11 septembre, machin, je sais pas quoi, et il décide d'égorger un prêtre à main nue, quoi. Donc là, on est dans des choses qui dépassent complètement l'entendement, et c'est vrai que c'est assez... Bah oui, c'est en fait, effectivement, t'as dit, il est commun, en fait, c'est banal, et c'est ça qui est au-delà de ce qu'on peut en penser, juste, je veux dire, du regard qu'on peut avoir, nous, c'est que, techniquement, j'ai envie d'utiliser cette expression, ce terme, c'est que des gens comme ça, des recrues potentielles comme ça, c'est rempli. Enfin, l'Hexagone en compte des quantités astronomiques. Enfin, si c'est ça, effectivement, si les critères de recrutement sont de ce niveau, il y a beaucoup de mecs qui passent la barre. Hein. Il y en a beaucoup. Ça a chuté encore. À mon avis, ça a encore chuté d'un niveau par rapport au. C'est pour ça que moi, personnellement, ça m'a frappé. Parce que les Kouachim, Mohamed Merah, si tu regardes bien, c'était des abrutis finis. Des gens qui n'avaient rien fait dans la vie, qui avaient tout raté, mais qui avaient un certain niveau de testostérone et apparemment un petit un petit charisme de supérette, quoi. Parce qu'apparemment il y avait quand même des gens qui les appréciaient, que tout le monde disait qu'ils étaient beaux, machin. L'autre, Mohamed Merah, il était fort au foot. Enfin bref, il y a 2-3 éléments qui te fait dire que c'était pas les derniers des tarés. Et d'ailleurs, ils ont quand même réussi autre chose que ce qu'a réussi ce type-là, qui est la dernière des lâchetés, qui ne viendrait même pas à l'idée d'un. Enfin. Ouais, tu veux dire que au niveau, enfin outre la barbarie, au niveau opérationnel, c'est il a juste attrapé un vieillard pour l'égorger, en fait, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Il faudrait aussi qu'on pense à remercier les différents maires communistes qui se sont succédés à la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray. Hein. Donc c'est il y a toujours un maire communiste hein, dans cette ville-là. Ça existe encore. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, merci les maires communistes de nous avoir fait ces paradis de vivre ensemble. Hein. Il n'y a pas que à Saint-Étienne-du-Rouvray. Moi, j'ai connu ça. C'était très, très enrichissant, on va dire ça comme ça. Bah d'ailleurs, t'as vu les images, tu sais, parce que Hollande s'est déplacé sur place. Donc évidemment, t'as Hollande qui là, il fait sa conférence. Et puis il est à côté du maire. Et le maire, en gros, il est en jean basket avec son espèce de chemise dégueulasse et avec sa moustache crasseuse. Et je me suis dit, c'est qui le mec? S'il fait l'entretien, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, c'est le maire. Et c'est le maire Coco, en fait. C'est ça. Ces gens-là sont vraiment à mettre dans les poubelles de l'histoire. Hein. Les maires communistes qui ont détruit leur ville, détruit leur région. Il faudra un jour qu'ils passent à la caisse. Ouais, c'est pas faux. Alors, bon, alors du coup, la cible, évidemment, très symbolique, ça a forcément touché les gens. Un prêtre, même quand on n'est pas croyant, il y a quand même une dimension, sacrée, quoi. Enfin, même sans être croyant, quoi. On se dit, bon, c'est une personne de Dieu, c'est la personne qui baptise les enfants. Bon, alors, il y a eu des histoires de pédophilie, et je crois qu'on va y revenir, d'ailleurs, un peu plus tard, sur cette association. Bon, tous les prêtres ne sont pas non plus pédophiles. Mais il y a quand même l'idée, quand même globalement, c'est bon, voilà, le prêtre, c'est celui qui baptise les enfants, il prononce le mariage. Parfois, malheureusement aussi, dans les enterrements, bon, on a tous eu des proches et donc on va à l'église pour l'enterrement. Donc, il y a quand même une solennité dans une église, même quand on n'est pas croyant. Et bon, il y a quand même une forme de respect. qui est enraciné dans l'inconscient collectif, quoi. Ouais, et tu as l'âge du prêtre, oui. Quoi. C'est un prêtre de 86 oui. ans, tu vois, qui aurait pu partir à la retraite tranquillou, qui a continué à faire l'apostolat. Ouais, à faire l'office. Ça te fait penser à tes grands-parents, quoi, tu vois, de suite. Hein. Donc, ouais, bien sûr. C'est vrai qu'au niveau portée, on va dire émotionnelle, c'est ouais, donc il y a d'une part le prêtre, et de l'autre côté l'âge du prêtre, ça fait quelque chose. Hein, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est pour ça que ça a une implication qui est un peu différente de Nice, mais c'est une vraie implication. Et là, mais par contre, ça nous force quand même à poser la question du rôle de l'Église catholique. Parce que, bon, évidemment, on ne se félicite pas de cet acte, mais on a appris qu'en fait, c'est pas une mosquée salafiste, je crois pas, c'est une mosquée mainstream, on va dire, c'est la mosquée un petit peu reconnue par les autorités, mais quand même, c'est pas anodin, la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray a été donc inaugurée en 2000 sur une parcelle de terrain offerte par la paroisse catholique de la ville. Donc là, on a en fait des catholiques masochistes qui veulent en fait être gentils avec donc l'immigration musulmane, quoi. Et bon, à part des médiations sur lesquelles on est revenu brièvement, en fait, tout d'un coup, se prennent le boomerang en pleine tête et sont remerciés avec des prêtres égorgés, quoi. Donc le rôle de l'Église catholique dans ce type, parce que il y a le Secours catholique qui encourage massivement, qui assiste massivement l'immigration. À Calais, par exemple, le Secours catholique, il est sur le terrain pour aider le dernier Africain qui vient de s'échouer dans le camp de migrants, quand même. Hein. Donc là, il y a quand même quelque chose de symbolique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est très symbolique, quoi. Oui, il y a aussi là aujourd'hui le pape donc en Pologne hein, qui s'est cassé la figure, c'est assez symbolique. Ah bon aussi, hein. Ah oui, oui. C'est voilà, on peut résumer l'Église à ça, quoi. C'est la tête de l'Église qui se casse la figure. On en est là, quoi, hein. C'est bon, il tient la tête, et puis aussi c'est vrai qu'en France, pas mal de curetons hein, sont assez portés vers le. Vers le communisme, hein, on peut dire ça. Ouais, il y a une anecdote d'ailleurs. En fait, le prêtre en question, il a 86 ans, mais en fait, il avait remplacé le curé. C'est vachement symbolique tout ça. Le curé africain. Hein. Ouais, le curé africain qui avait été donc mandaté par les évêques de France pour s'occuper de la paroisse. Et qui, je crois, devait probablement s'occuper de. Je sais pas, de quel. Enfin, il avait une activité. Il devait s'occuper de ses nombreuses femmes et ses nombreux enfants du pays. Du coup, il était au Congo. Voilà. Ça, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas là et le prêtre s'était porté volontaire en disant bon, bah voilà, pendant qu'il est absent, moi je vais faire du bénévolat. Et là, c'est là que le drame est arrivé, quoi. Et donc, on a cette église catholique là-bas qui a fait ce qu'elle a fait. Et on a le pape à Cracovie, c'est les JMJ, là, vous savez, là, les Journées Mondiales de la Jeunesse. Et le pape en Pologne, la Pologne qui est radicalement opposée à toute forme d'immigration musulmane, hein, le gouvernement polonais est vent debout contre toute forme de d'immigration imposée. Ils ont dit on n'en prend aucun, on n'en veut pas, c'est incompatible avec notre culture et nos valeurs. Et là, il y a le pape qui se déplace devant des centaines de milliers de jeunes catholiques, de jeunes chrétiens. Et le seul message qu'il a adressé donc à la jeunesse polonaise, c'est prenez des couches de migrants qui viennent du tiers-monde musulman. Voilà. Quelques heures après l'assassinat du prêtre par des apprentis djihadistes. Alors là, ça c'est sidérant. Je crois que ça donne envie d'aller ça donne envie d'aller à la messe hein, quand même. Ça donne envie d'être catholique. Non mais ça craint quoi. C'est dramatique d'en arriver à ce point-là. Vraiment, c'est dramatique. Ça fait longtemps que l'Église catholique est versée là-dedans puisque. Moi, je me rappelle qu'on nous faisait envoyer des sacs de riz, on nous faisait dessiner des farandoles humaines, des guirlandes humaines avec un noir, un jaune, un rouge, un blanc. Benetton. Y avait des choses complètement hallucinantes qui étaient pratiques, qui étaient faites, qui étaient obligatoires, qu'on faisait faire aux petits du catéchisme. Il y a déjà 25 ans de ça, donc j'imagine que ça n'a pas été en s'améliorant, vu qu'ils se soumettent de plus en plus. Là, on a carrément affaire à un prêtre qui nous... Exactement comme Sarkozy avec Chirac, on a un prêtre qui nous fait regretter Jean-Paul... On a un pape qui nous fait regretter Jean-Paul II, quoi. C'est ce qu'on aurait jamais cru, mais on regrette Jean-Paul II. Oui, bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, Jean-Paul II passait presque pour un progressiste... Déjà à l'époque, là, mais voilà, maintenant il passe pour un ultra conservateur. Pour même pas parler de Benoît XVI. Hein. Pour même pas parler de Benoît XVI, qui avait quand même, vous rappelez-vous, à Istanbul, il avait quand même évoqué bon, la violence de l'islam qui s'était répandue à travers l'histoire en recourant volontairement au glaive. En tout cas, c'était pas une critique directe adressée aux musulmans, mais disons qu'il. Qu'il rappelait un discours qui avait, enfin c'était un échange, il citait un échange en fait entre deux personnes discutant de l'islam, et le passage en question d'ailleurs avait suscité la colère des progressistes en disant comment vous pouvez associer l'islam à la violence. Et aujourd'hui on a littéralement un pape et un clergé hexagonal aussi hein, qui milite littéralement pour la conversion de l'Europe à l'islam par la voie de la démographie quand même, ce qui est quand même absolument sidérant. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est une forme de parabole en soi, ce qui s'est passé là. Et alors il y a eu des réactions en contre-coup. Est-ce que vous avez vu alors la réaction de cette gauchiste de Brest qui s'appelle Julie Le Goyic, qui est élue au conseil municipal de la ville de Brest, qui est anarcho-écologiste, et qui a fait un tweet hein, suite à l'annonce de la mort du prêtre, dans lequel elle a dit, je cite ce qu'elle a dit, « Du coup, le prêtre mort en martyr, il a le droit à 70 enfants de cœur au paradis ?» Point d'interrogation. Vous l'avez suivi, ça ? Ouais, ouais, tout à fait. Alors déjà, bon, on a voulu faire le parallèle avec les 72 vierges, donc des kamikazes qui, en se faisant sauter, obtiennent 72 vierges au paradis. Bon, déjà, elle s'est trompée de deux, hein, 70, 72. Bon, on peut pas trop lui en demander, peu cher. Hein, mais c'est la gauche. Hein, c'est vrai que ça l'a fait marrer. Voilà, les catholiques, c'est des pédophiles. Bon, bah, quelque part, hein, si c'est fait égorger, il a bien mérité. Bah, avec le catholique, l'amalgame est permis. Oui, voilà, voilà. Ouais, exactement. Oui, parce que. Excuse-moi, vas-y, Gandalf, mais... Non, vas-y. Non, simplement, je voulais juste te dire un truc. Les mêmes gens qui vous sautent à la gorge, mais vraiment, qui sont prêts à... C'est-à-dire qui font trembler la terre, parce que vous auriez dit un propos de travers sur un migrant ou que sais-je, sont les mêmes qui disent « Mais attendez, on a le droit de rire quand même, non ?» Parce que les réactions de la fille, quand il y a eu un tollé, mais ça a traversé toute la France, hein, il y a eu des milliers d'appels à la mairie de Brest, il y a eu un torrent de protestations, le maire a dû se désolidariser publiquement de ses propos en les qualifiant d'indécents et même, je crois, d'insoutenables. Donc elle s'est quand même retrouvée assez isolée, ce qui est quand même intéressant, parce que c'est-à-dire que la gauche institutionnelle se retrouve progressivement sur la défensive, même sur des sujets comme ça. C'est quand même les mêmes crasseux de gauche, enfin, vous savez, cette gauche crasseuse, là, un peu les zadistes et compagnie, qui ne tolèrent pas le moindre écart sur les propos, sur l'immigration, machin, sur l'islam, bah, je crois que c'est plus ou moins la même chose. Hein. Je veux dire, ça aurait été un nazi qui aurait égorgé un imam, je suis pas sûr que le Goïc se serait marré, vous voyez. Non, mais ils sont tellement affairés à être pointus sur ce qu'on dit et sur l'orthographe. Quand ils écrivent des discours, hein, tu les vois. Donc par exemple, balle de soutien aux migrants, c'est comme ils ont fait à Paris, c'est migrant T-E-S, tu vois, parce que... Migrant E, parce qu'il y a des femmes aussi, quoi. Il y a des femmes, donc voilà, il ne faut pas oublier, donc on met le E, quoi. Ils sont tellement dans ce degré de puritanisme féministe, quoi. Ouais. Qui te massacre totalement la langue française quand tu lis leur texte, quoi, ça se roulait par terre, quoi. Ouais, puis mais vraiment, enfin, je veux dire, c'est très révélateur. Vous savez ce que ça m'inspire, ce genre de comment. Parce qu'on peut mettre ça sur le compte de l'humour, quoi. Mais déjà, eux, ils n'en ont pas. Ouais, ils n'ont pas d'humour, exactement. Ils n'ont pas d'humour, déjà, premièrement. Et deuxièmement, en fait, c'est pas de l'humour. on sent qu'il y a en fait, il y a vraiment une jubilation. Il y a vraiment une jubilation. Ah, c'est marrant. Ah, tiens, un curé qui se fait égorger. En fait, qu'est-ce qu'elle a envie de dire ? Elle a dit, j'aimerais tellement pouvoir me permettre d'égorger un curé moi-même. Mais je peux pas. Alors je rigole quand je vois un arabe le faire, quoi. Et le pire, parce que ces gens-là, et surtout celle-là, parce que cette gauchiste en question est connue comme étant une soi-disant féministe. Cette gauchiste, elle passe par pertes et profits l'action de gens, en l'occurrence des apprentis djihadistes, qui sont, je veux dire, qui représentent le courant politico-religieux le plus hostile à l'émancipation des femmes qui existent sur cette planète, quand même. Et ça, visiblement, ça n'a pas... Et vous voyez, là, on voit qu'on a affaire à des hypocrites de première, en fait. C'est-à-dire que la brutalité... bon, je vais utiliser un terme qu'ils utilisent eux-mêmes, mais on va dire la brutalité patriarcale, entre guillemets. Des halogènes, en fait, ils en ont rien à foutre. Hein. Mais ces greluches-là ne supportent pas, en fait, le mâle blanc. C'est le mâle blanc qui leur pose problème. C'est pas le mâle halogène qui égorge et qui assassine. Elles s'en foutent de ça. C'est le mâle blanc qu'elles veulent castrer, quoi. C'est clair, moi, je pense. T'as tout à fait raison. Pour faire un petit peu de psychologie de comptoir, je pense que c'est une revanche sur le très souvent sur le mâle blanc qui n'a pas voulu d'elle, parce que globalement, tu prends une moyenne des féministes et une moyenne d'une population, les féministes sont toujours plutôt plus moches que la moyenne de la population. Donc il y a peut-être une celle-là qui existe à creuser. Celle-là est particulièrement moche. Hein. Il faut voir ça. Sa tignasse qui n'a pas dû être lavée depuis, ouais, depuis quelques années, c'est d'avoir des bestioles là-dedans. Oui, alors. Protégée par l'ONU. Moi, je veux rajouter un truc, parce que c'est un vrai profil sociologique, cette histoire, cette femme-là. D'abord, elle est prof. C'est quelqu'un qui appartient à l'éducation nationale. Ensuite, c'est une militante pro-migrant qui s'est distinguée au mois de mars dernier en intervenant, parce qu'elle est élue, hein, conseillère municipale sur la liste socialiste. Depuis, elle est entrée dans la... Alors, c'est pour vous donner le topo. Elle est maintenant en dissidence de la liste majoritaire, donc elle se retrouve dans l'opposition parce qu'elle considère que le Parti Socialiste est situé trop à droite, à Brest. Hein. Ouais, le maire de Brest est trop à droite. Hein. Ouais, On constitue un petit peu, hein, François Cuillandre, maire de Brest, c'est celui qui fait qui déroule le tapis rouge à Rachid Abou Daïfa, l'imam buveur de pisse, et qui parle aux enfants en disant que la musique, écouter de la musique, ça les transforme en singes ou en porc. Voilà, et qui vient d'ouvrir une école coranique. Voilà, et cette femme-là avait manifesté avec l'extrême gauche dans les rues de Brest pour dénoncer l'extrême droite, enfin ce qu'elle appelait l'extrême droite, qui refusait de voir construire une école coranique dirigée par l'imam Abou Daïfa. Donc cette greluche en question, donc l'anarcho-écologiste soutenue par Cohn-Bendit, Julie Goïk, le Goïk, avait défendu le droit de l'imam salafiste d'ouvrir une école coranique dans laquelle il allait expliquer effectivement ce que tu as dit sur la musique et à destination d'un public d'enfants, quoi. Et au surplus, elle avait fait un happening en plein milieu du conseil municipal de Brest, qui est quand même une métropole, hein, on nous soit dit, c'est une métropole en France, hein, où elle avait fait venir des clandestins albanais, des dizaines de clandestins albanais plus des gauchistes, qui avait pris à partie pendant plus de 2 heures le maire de Brest, le socialiste Cuillandre, et ça s'est terminé en rixe avec les vases des pots de fleurs, enfin je sais pas comment dire, les pots de fleurs ou des vases qui ont volé dans la pièce, Cuillandre menacé de mort par des Albanais hystériques, obligé d'être exfiltré par la police de sa propre mairie, tout ça excité par le Goïk, enfin c'est quand même ça, hein. c'est quand même dingue. Et elle est proche aussi de la Ligue des droits de l'homme, qui s'est associée récemment avec les frères musulmans, notamment le collectif contre l'islamophobie en France, qui est proche de l'UOIF, qui est une organisation qui soutient des actions terroristes un peu partout sur la planète quand même. Donc c'est quand même du carabinet. C'est le crépuscule du gauchisme, quoi. C'est ça relève plus de la psychiatrie à mon sens. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais non, mais ça, je voudrais quand même rappeler quand même que ça s'inscrit dans dans une longue tradition anticatholique en France, qui consiste à cracher copieusement sur les chrétiens. C'est pas nouveau, ça fait des dizaines d'années que ça continue. Bon, voilà, visiblement, ça va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un peu de compassion quand un prêtre se fait gorger par un barbu. Même là, ces gens-là, c'est cette vermine, se sent encore une fois obligé de cracher sur le cadavre du prêtre. Bon, c'est en même temps, c'est leur tradition, hein. On sait très bien qu'à la Révolution française, il y a des milliers de prêtres qui ont été assassinés. Bon, on entend les discours, hein, de bouffer du curé, de se taper des curés. Bon, c'est la mentalité en France, hein, de toute une gauche et d'une extrême gauche, d'une haine, pour le coup, c'est vraiment le terme, de l'Église catholique. Bon, c'est... Voilà, on a l'habitude. Mais là, ça va très bien faire. Alors, il faut voir si... Bon, il faudrait se poser la question si ces gens-là ne deviennent pas peut-être un peu marginaux aussi, même au sein de la gauche. Alors, on a parlé, si, certainement. Déjà, elle est quand même... Donc, même le maire de Brest s'est distancié d'elle il y a un certain temps. Et puis, je pense qu'il doit quand même avoir des mecs de gauche, même des faits. Si tu veux, des féministes plus ou moins, on va dire authentiques, si tant est que ça puisse être authentique, hein, qui se disent, tiens, attention, les mecs qui gorgent les gens comme ça, aussi se rendent compte du système de valeurs ultra patriarcal qu'est l'islam. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas des dissensions qui sont en train de se créer en ce moment? Ah bah si, il y en a tellement qu'on va d'ailleurs en parler tout à l'heure. Donc c'est juste un. Oh, tu peux y aller maintenant. Hein. Tout à l'heure en parlant de Michel Onfray, puisque c'est tout à fait, il vient exactement du même monde, puisque Michel Onfray est un féministe. Hein. Vous savez que c'est une des premières choses par lesquelles il se définit féministe et de. Alors oui. Attends, juste, ouais, c'est bien de. On va glisser maintenant Onfray. On va pas s'étendre trop sur Onfray. Juste une petite dernière chose. Je suis pas tout à fait d'accord. J'ai regardé le traitement médiatique dans la presse, sur Internet, et ouais, ils ont quand même présenté le goïque comme une victime d'insultes et de menaces. Bon, le maire de Brest s'est désolidarisé, mais son premier tweet, là, son premier message, était pas très. Il n'a même pas vraiment condamné les propos. Ouais. Moi, je je trouve quand même qu'ils ont globalement fait corps avec cette saloperie de connasse d'extrême gauche de merde. Je n'ai pas l'impression vraiment qu'il l'ait lâché. Hein. Non, il y a eu ce phénomène-là, mais ça, c'est un fait. Mais en fait, il se marginalise de plus en plus parce que quand tu te solidarises de ça, ça passe juste pas dans l'opinion. Mais comment dire, pour revenir sur Onfray, c'est bien de le glisser maintenant, en fait. Je pense qu'il vaut mieux en parler maintenant. Pas besoin d'en parler beaucoup, mais c'est bien parce que c'est un vrai marqueur sur ces questions-là, justement. Vous savez, c'est bien ce que tu dis, Porovitch, parce que on a le maire, en fait, dans les tweets, dans la communication qu'il a eue face à ces propos-là, donc en fait, l'extrême gauche qui est fidèle à elle-même, bien dégueulasse, bien provocatrice, qui fait ses excréments en public. La gauche, je veux dire, socialiste, qui est en charge. En fait, réagit en disant oui, on a une opinion différente, mais en fait, ils condamnent pas immédiatement les propos. Pourquoi ? Parce que c'est leur tradition, fondamentalement. C'est une tradition anticléricale, coupeuse de tête. Hein, c'est quand même ça la Révolution française au départ. Et en fait, ils ont du mal à vraiment rejeter leur petit camarade d'extrême gauche, surtout qu'elle a été élue sur sa liste. Hein. Donc, c'est assez symptomatique. Mais somme toute, bon, ils doivent quand même se distancier. Et Onfray, qui lui bon, est un philosophe qui écrit des bouquins, enfin il est assez populaire je crois chez certaines personnes, mais on va dire Onfray, il est un petit peu le thermomètre de ce qui est en train de se passer à gauche, et t'as raison Gringoy de parler de lui, en disant ouais, c'est un féministe, un anticlérical, un athée revendiqué, il a écrit sur l'athéisme, c'est quelqu'un qui voulait donner ou redonner ses lettres de noblesse à la tradition athée ou anticléricale, plus athée d'ailleurs à mon avis. Et lui, c'est quelqu'un qui expérimente en ce moment une crise de conscience. On a l'impression que lui, là, il s'est exprimé récemment à la famille chrétienne, juste après, parce qu'il est normand d'ailleurs, hein, il vit en Normandie et il travaille en Normandie. Il s'est exprimé après la tuerie de Rouen, là, et il s'est exprimé auprès de famille chrétienne. alors qu'on a quand même affaire à quelqu'un qui très longtemps a été un bouffeur de curé. On sent qu'il se passe quelque chose. Alors, reviens à ce que tu disais, Gringoy, là-dessus. Là. Ce que tu voulais dire sur Onfray, sur ce féministe qui tout d'un coup voilà, commence à se poser des questions. Oui, bah, voilà, je voulais dire qu'il y avait réellement une scission au sein de la gauche avec les gauchistes nets et les gauchistes tarés. C'est-à-dire qu'il y a des gauchistes, ils sont gauchistes pour surtout nier la réalité, parce que se rappeler à la réalité, ça sera se rappeler aussi à leur médiocrité, à leur ignominie. Donc ces gens-là seront gauchistes jusqu'au bout, ils seront gauchistes jusqu'au tombeau, et ils ont atteint des privilèges qu'aucune société ne leur laissera jamais atteindre. Donc ils savent très bien, ils s'accrocheront à ça comme une moule à leur rocher, et à son rocher, et ces gauchistes-là iront jusqu'au bout. Mais à l'inverse, il y a les gens honnêtes, Onfray, donc philosophe en l'occurrence, qui se pose des questions depuis 40 ans et qui, lui, avec toutes ses positions antichrétiennes, contre l'ordre, contre la hiérarchie, contre tout ce qui faisait qu'un monde peut tenir debout, bah, se sent plus ou moins, j'ai l'impression, responsable. Enfin, c'était aussi, je crois, ton analyse, Gandalf, tu peux peut-être rebondir, mais lui, j'ai l'impression qu'il est vraiment touché, comme tu dis, il est dans une vraie crise de conscience en sentant qu'il serait possible qu'il ait fait de la merde pendant 40 ans, quoi. Et même pire que de la merde, qu'il ait carrément mis tout en place pour que l'Europe soit cette espèce de déchetterie humaine que n'importe quel salafiste à 70 de QI peut foutre sans dessus dessous. Oui, c'est ça, c'est vraiment le... Pourquoi il est intéressant? C'est parce que justement, c'était un petit peu, bon j'exagère un peu, mais c'est un petit peu le pape des profs de gauche, j'ai envie de dire. Lui-même, je crois, il est plus ou moins prof. Il a son université populaire qu'il a créée, rappelez-vous, hein, université populaire qu'il anime en Normandie depuis plus d'une quinzaine d'années, enfin... qu'il a créé au lendemain du 21 avril 2002. Donc le type a dit « je vais éduquer le peuple », donc il y a un côté un peu pédant dans la démarche, mais bon, « je vais éduquer le peuple pour lutter contre le fascisme ». Donc en 2002, le type est dans cette dimension, dans cette position-là, cette posture. La menace, c'est le fascisme, la menace, c'est le lepénisme. Il faut donner des référents culturels au peuple pour qu'il s'éloigne de la bêtise réactionnaire, démagogique de la famille Le Pen. Il a appelé à voter, si je ne m'abuse, Besancenot par le passé, hein, au cours des années 2000. Je crois qu'il a plus ou moins aussi appelé, enfin, s'est reconnu à un moment donné dans le chevènementisme. C'est quelqu'un qui a changé, enfin, on sent que c'est quelqu'un qui se cherche constamment, mais il évoluait quand même dans le sillon de la gauche. Et puis, il se rend compte qu'en fait, l'anticléricalisme, en fait, il tire sur une ambulance. C'est-à-dire qu'en fait, l'Église catholique ne rend plus aucun coup. Voilà, il boxait dans le vide et il se rend compte que l'énergie qu'il a consacrée à détruire ce qui restait du peu de christianisme encore un petit peu vivace en France, et il n'y en avait plus beaucoup, n'a fait qu'accélérer en fait ou a facilité la transition vers ce qui est en train de pointer à l'horizon, qui est ce qu'on a vu à Rouen, c'est-à-dire c'est du cassos de HLM reconverti sur le tard et qui se met une petite barbe là de 15 jours sous le bout du menton, qui prend un canif et qui va égorger un curé, quoi. Et là le type se dit c'est parce que ça se passe pas, je sais pas, ça se passe pas à l'autre bout de la France, ça se passe en Normandie à côté de chez lui, et il doit vraiment se poser la question, dire qu'est-ce que j'ai pu faire ces 40 ou 50 dernières années pour que dans ma région, à quelques dizaines de kilomètres peut-être de chez moi, ça se passe devant moi. Et le type réagit effectivement dans Famille chrétienne, ce qui évidemment fait hurler, ça fait hurler tous les laïcars, quoi. Un philosophe de gauche anticlérical qui s'exprime dans Famille chrétienne, c'est volontaire. Enfin, sa démarche est vraiment vraiment pensée, quoi. Il choisit très soigneusement la façon dont il s'exprime. C'est quelqu'un qui vend beaucoup de livres, donc qui est très suivi. Et c'est vraiment révélateur de quelque chose, d'une crise au sein de la gauche. Moi, je résume ça comme ça, ce qui est en train de se passer au sein de la gauche. Toi, t'as dit, voilà, il y a les gauchistes hystériques, ils vont y aller jusqu'au bout. En fait, c'est un peu des talibans, quoi. Ils vont jusqu'au bout de leur truc et ils lâcheront jamais. Et puis, il y a ceux qui sont nets et qui se posent des questions et qui, quand ils se trompent, acceptent de réviser leur jugement. T'as raison, mais je crois qu'en fait, c'est une vieille histoire. Parce que je crois qu'il y a une gauche libérale, en fait. Il y a une gauche libérale qui pense que l'individu, ça compte, que les droits... Ils ont même fait campagne là-dessus, quoi. Les droits individuels et ça compte, ce qui explique son féminisme, hein, ce que je trouve un peu ringard, mais enfin bon, passons. Et qu'il y a une autre gauche, qui est plutôt une gauche révolutionnaire, une gauche collectiviste, une gauche égalitariste, coupeuse de tête, pour qui la fin justifie les moyens, et qui est prête à aller jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire de dire... Après tout, pourquoi pas fricoter avec avec les barbus, quoi, avec, vous savez, des médiations. Par exemple, ça peut passer par la Palestine ou je sais pas où, Gaza, machin. C'est-à-dire, bon, on se donne quelques petites excuses morales pour dire bon, on a le droit de fricoter avec ces gens-là. Et au final, ça donne ça. Et j'ai l'impression qu'on ferait incarne un peu, vous savez, la gauche libérale, philosophique. Alors, la gauche libertaire, plutôt. Oui, libertaire, oui, libertaire, mais je dirais libérale au sens philosophique. Moi, je dis philosophique, je ne parle pas économique. Oui, non, mais bon, pour reprendre leur terme, c'est mieux, parce que lui, on ferait, en l'occurrence, dénonce la société libérale, etc. etc. Oui, enfin, c'est très contradictoire, son truc. Oui, il se démarque vraiment, c'est pour ça que j'ai insisté sur cette qualité, il se démarque par son honnêteté, parce que des gens, on pourra dire, il change d'avis tous les quatre matins, c'est pas quelqu'un de fiable, tout ça, absolument pas, c'est quelqu'un qui évolue, il y a une logique dans la manière dont il évolue, c'est simplement quelqu'un d'honnête, il n'y a que les crétins qui ne changent pas d'avis, bon ben lui change d'avis, effectivement. Moi, je pense que son virage. Alors, quelqu'un m'avait parlé aussi de problèmes dans sa vie privée, qui l'ont peut-être fait aussi changer de passer de son état de petit hédoniste jouisseur à quelqu'un qui a une conscience plus profonde, qui il y a peut-être eu des choses comme ça dans le privé, mais il y a aussi eu ce qui s'est passé avec son bouquin avec Freud, qui là, à mon avis, il s'est dit voilà. Pour qu'il ne se soit rien passé pendant 30 ans, ça veut dire que j'ai dû rouler pour les enculés qui sont en train de me tirer dessus depuis que j'ai sorti mon bouquin sur Freud. Parce que les 30 premiers bouquins, ils les ont adoubés, traités de la théologie, tout ça. Donc là, il a dû commencer à se poser des questions s'il n'y avait pas des liens entre les imposteurs qui tiennent le freudisme et qui tiennent la secte freudienne, quoi, et les connards qui lui ont léché le cul quand il faisait ses traités de la théologie et tout ça. Et ça, mêlé à l'évolution actuelle, où il voit que c'est le fait qu'il n'y ait pas de père, que c'est la génération Y qui ne peut pas se défendre, incapable de se défendre face à l'envahisseur. Or, la génération sans père est la génération féminine, parce que lui, il est pour un féministe jusque chez l'homme, c'est-à-dire il est pour que le féminin domine le masculin, en réalité. Il vend le principe féminin. Et là, il est dans un retour d'un seul coup, il s'est peut-être remis à bander, mais là, il se rend compte que le phallus, c'est nécessaire à tous les peuples. Ah, c'est bien observé. En fait, tant qu'il était un athée du christianisme, ça passait très bien, et quand il est devenu un athée du freudo-marxisme, tout d'un coup, la machine a commencé à s'emballer, en fait, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Ouais, et on lui a fait des procès, etc. Il a été anathémisé. Il a même dit, parce que évidemment il y a eu toute cette campagne de presse, comme tu l'as appelé, enfin l'Église freudo-marxiste, freudienne, qui a fait campagne contre lui en disant que c'était scandaleux. Mais ils ont vraiment essayé de résister dans Le Monde. Dans Le Monde, il y a eu des articles de prélats du freudo-marxisme qui ont dénoncé son bouquin qui essaie de démonter en fait l'imposture freudienne, quoi. Il a dit oui, après tout, c'est pas étonnant, je ne serai jamais qu'un goy de Normandie. Et là, je crois qu'il a dit, le mot de trop, c'est-à-dire qu'en fait, il a dit, bon, voilà, ouais, je fais pas partie du petit clan parisien, voilà, très marqué, donc je sais très bien que je ne suis pas dans leur petit papier, point à la ligne, quoi. Et depuis là, t'as raison, plus ça va, plus il enchaîne, hein. Mais là, l'interview qu'il a fait dans la famille chrétienne, les deux premières phrases, je vous lis ça. La plus grande partie des médias défend une idéologie d'État qui est libérale, donc consumériste. Cette idéologie est anticléricale s'il s'agit de christianisme, mais cléricale quand il s'agit d'islam. C'est assez. Ça pose le bonhomme. Oui, c'est vrai. Alors, j'aurais des trucs à observer, mais bon, peut-être ça nous donnerait sur autre chose. Mais bon, notons que, en tout cas, c'est quelqu'un qui s'autorise. Ah, en plus, soulignons un truc, quand même. Parce que c'est pas quelqu'un qui parlait d'islam ou d'immigration. C'est vraiment pas le cœur du travail du bonhomme. mais il a fait un bouquin très récent sur l'islam. Peut-on penser l'islam? Je crois que c'est le titre. Qu'il n'a même pas osé publier en France. Est-ce qu'il a fait ça dans une démarche, en fait, pour faire un peu, pour faire de la mousse médiatique ou pas, j'en sais rien. Mais il l'a fait publier en Italie, en italien. Et ensuite, il est arrivé en France. Il a dit, oui, mais on ne peut pas parler d'islam. En France, on n'acceptera pas mon livre, etc. Donc, c'est quand même quelqu'un qui pose un certain nombre de questions, mais du point de vue athée, quoi, sur la question de l'islam. Bon. C'est intéressant comme parcours, comme évolution. Je pense que ça révèle bien les états d'âme actuels au sein de la gauche. C'est un peu un vecteur, quoi. Il est en train de mettre sur la place publique ce que, à mon avis, un certain nombre de gens de gauche sont en train de se demander, quoi. Et c'est, pour ça, c'est très intéressant. Ouais, bon, c'était pertinent, je pense, d'en parler. Bon, alors, je continue sur. Dernière petite remarque, quand même, sur Onfray. Alors, il a évolué. J'ai vu qu'il avait il avait débattu avec De Benoît, il avait débattu avec Zemmour, donc avec des gens qui étaient aux antipodes de ses idées politiques il y a 20 ans. Donc, il y a quand même une démarche honnête sur le plan intellectuel et du débat. En revanche, il s'agit toujours de surtout pas amener les gens vers le Front National, toutes ces choses-là. Donc, c'est encore. Ça reste quand même un mec de 50 balais qui change doucement. Quoi, hein. Plus on est vieux, plus on change lentement. Et il change, mais bon. Il y a encore ces petits réflexes de gauchiste patenté. C'est quelqu'un qui est très contradictoire, mais parce qu'il révèle des contradictions de sa propre famille, en fait. Ils sont prisonniers de leurs contradictions. Ils disent une chose, l'inverse, ils ne savent plus. Bon, ça nous amènerait sur un autre débat, mais vraiment, t'as raison hein, quand tu dis qu'il reste quand même dans l'anti-Le Pen. Mais j'ai presque envie de dire, en fait, c'est un peu le passage obligé, quoi. C'est-à-dire que si tu veux pouvoir dire, à son niveau, c'est quelqu'un qui vend beaucoup de livres, hein. Si tu veux pouvoir dire ce que tu as envie de dire, tu es pratiquement obligé de dire, encore aujourd'hui, et même compte tenu de son état d'esprit, faut surtout voter contre le Front National, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, et c'est d'ailleurs ce que dit Finkielkraut, hein. C'est très pervers, d'ailleurs, je trouve, personnellement. Ils disent, en somme, il faut s'interroger sur toutes ces questions, il faut plus avoir de tabou, il faut oser dire les choses, sinon, on aura le Front National. C'est la façon dont ils tournent le truc, ce que je trouve assez vicelard personnellement, mais bon, c'est oui, comme ça. C'est ce que me faisait remarquer quelqu'un, c'est-à-dire qu'en fait, ça serait la réalité qui serait subordonnée au Front National. Ben, c'est toi d'ailleurs qui me faisais remarquer ça. C'est-à-dire que c'était pour le cas, je crois, du petit Askolovitch qui. Ouais. Il mérite peut-être pas qu'on en parle ici, mais. Si, c'est bon. Donc, le petit Askolovitch. Oui, rappelle ce qu'il disait, Askolovitch. Rappelle ce qu'il disait, Askolovitch. Alors, tu as une meilleure mémoire que moi. Est-ce que tu te rappelles précisément de ses propos? Parce que moi, je risque d'être imprécis. Alors, c'est pas la phrase exactement, mais en gros, il disait quand on regarde la réalité, c'est ce que nous décrit l'extrême droite, en fait. En fait, il disait, en gros, visiblement, l'extrême droite, quand elle parle, décrit la réalité. Voilà, l'extrême droite, ça serait dans une espèce de pensée créatrice, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils pensent leurs ignominies, leurs ignominies se matérialisent comme des espèces. Non. C'est pas exactement ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a, c'est un peu enfin, parce qu'Askolovitch, il est pas non plus stupide. En fait, il sait très bien ce qui est en jeu. Mais il disait, quand on regarde les nouvelles à la télévision, c'est marrant, c'est ce que nous décrit l'extrême droite. C'est qu'en fait, c'est marrant, la réalité correspond à ce que nous dit l'extrême droite. Et le mec s'interroge, il feint de s'interroger, quoi. Et voilà, il y a effectivement, en fait, la réalité devient contingente. Le phénomène central, dans l'esprit de ces gens, ce qui est central, ce qui est essentiel, c'est l'extrême droite, en fait. Voilà, donc la réalité est contingente à l'extrême droite, en fait. C'est quand même mon âme, quoi. Voilà, le moteur de la vie, c'est l'extrême droite qui crée la réalité. Enfin, moi, c'est quasiment comme ça que je le comprends. C'est-à-dire ils sont tellement focalisés sur l'extrême droite que, bah, comme tu viens de le dire, la réalité n'est que contingente. Ce sont des fous, de toute façon, mais bon. Enfin, ouais, je sais pas s'il est fou ou malin, on sait jamais, mais bon, il est peut-être un peu des deux, d'ailleurs. Je trouve quand même que c'est un bel aveu d'échec de leur part. Finalement, ils sont trompés sur tout, et l'extrême droite, elle était dans la vérité. Tout ce qu'on a dit il y a 20 ou 30 ans se réalise. On peut retrouver les images, hein, les interviews de Jean-Marie Le Pen, de Monseigneur Lefebvre, qui nous alarmait sur le danger de l'islamisme. Ah oui, les aveux d'échec, là, ils se multiplient, c'est-à-dire que tous ceux qui sont un peu honnêtes, qui ont quand même, qui sentent qu'il y a quelque chose qui existe au-delà de leur petit individu, c'est-à-dire qu'il y a un peuple, il y a une lignée, il y a leur descendance. Donc ces gens-là, avouent tous leur échec, ils sont catastrophés de la situation. Et d'ailleurs, ils ont de la chance que les gens d'extrême droite soient pas dans. Je pense pas qu'on aille leur réclamer de l'argent, qu'on aille leur réclamer ce qu'ils nous doivent par rapport à ces 40 années où ils nous ont craché à la gueule alors qu'on leur a tout annoncé. Mais je pense qu'ils vont en revanche accepter notre légitimité parce que ce Ah, sont des gens honnêtes et que depuis 40 ans on je avait pense raison et pas, puis ils vont accepter comme des adolescents à un moment donné qui se rebellent et qui prennent conscience au moment où ils basculent dans la vie active qu'il va falloir. Il va falloir quand même les conseils de papa et tout ça, ou l'investissement de papa. Bah là, les gauchistes vont faire la même chose. Ils vont Non, revenir sous la non, houlette non. de la droite, quoi. À mon avis, ils vont juste, voilà, là ils sont en train de, ben, la plupart de ce qu'ils font, ils ficent le crotte, en frais, etc. Ils veulent bien admettre donc un constat d'échec personnel, mais ils admettront jamais que les autres avaient raison. Ça n'arrivera Ce pas. sont des fous, tu mais penses que enfin, Le Pen ne ce sera sont des pas. tarés, donc. Excuse-moi, Popo, vas-y. Je dis, ce sont des fous, ce sont des tarés, ils iront jusqu'au bout, ils ont trop à perdre. Accepter leur échec politique, leur échec intellectuel aussi, il faut penser à un mec comme Onfray, mais ces mecs-là sont gourés à peu près sur tout en termes de politique. Ils ont chié des livres pendant des années et blablabla et blablabla. Et voilà le résultat. Hein, et après, ça fait sa girouette, un coup Chevènement, un coup Besancenot, pourquoi pas François Hollande aussi. Ces mecs-là sont d'un néant intellectuel total. Cela dit, Ouais. pour Onfray, 29 bouquins à gerber toutes ses tripes peuvent être oubliés avec un bouquin pour dézinguer Freud. Parce que Freud, c'est quand même un Oui. pilier de l'arnaque postmoderne, enfin, ou D'accord, ça moderne, c'est je ne sais vrai. pas. Ouais. Enfin, Bon, les gars. ne pas oublier que qu'est-ce qu'a fait Onfray pendant ces 10 dernières années, enfin ces 15 dernières années maintenant, c'est lutter contre le Front National, tu vois, c'est son objectif. Il a créé son université populaire à Caen, et pendant qu'il créait son université populaire où des profs apprenaient la philosophie avec Michel Onfray, eh ben, le territoire s'islamisait. Voilà. Donc, il est quand même un petit peu responsable et un petit peu coupable. C'est vrai, c'est en fait. C'est pour ça que c'est vraiment c'est intéressant de voir cette décomposition, hein. Même avec des aveux, hein, je veux dire, c'est vraiment intéressant. Bon, avant de nous quitter en forme de clin d'œil un petit peu rigolo, vous avez vu ce qu'ont dit les Corses là, le FLNC à l'endroit de nos amis musulmans, hein? Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, du FLNC qui en gros a dit à l'adresse du gouvernement français, si vous n'expulsez pas vous-même les salafistes du territoire corse, on va les calibrer. C'est inspirant. On attend de voir, c'est une promesse. Ils ont donné des noms, hein. Enfin, ils ont dit, on a huit noms pour commencer. D'accord. Ben écoute, je crois qu'on va s'asseoir et attendre tranquillement que ça se passe. J'espère qu'ils ne seront pas aussi longs pour virer les musulmans qu'ils le sont pour nous servir notre café quand on y va en vacances. Mais. Toi, tu vas avoir des problèmes. Ouais, va pas en Corse, va plus en Corse du coup. On va voir. Enfin bon, visiblement les Corses ont l'air d'être branchés travaux pratiques. Moi, De quoi il en j'ai retourne. espoir, je nourris quelques espoirs hein, de mon côté. Voilà. Bon, allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et je présume qu'il y aura encore beaucoup de choses à aborder. À bientôt. Semaine, les amis. À plus. Je le dis aussi, peut-être qu'on pourrait introduire, si vous nous posez des questions intéressantes, une question d'auditeur à laquelle on répondra si un sujet intéressant vous passe par la tête, n'hésitez pas à le proposer. Vous connaissez À plus. l'adresse. Ouais. En effet, c'est bien noté. Allez, à la semaine prochaine. Apologies for freedom. I can't handle this. When freedom brings, answer the call. On our shoulders. USA! Enemies of freedom. Face the music. Come on, boys, take them down. President Donald Trump knows how to make America great. Deal from strength or get crushed every time. Over here. Over there, USA! Freedom and liberty everywhere. Oh, say, can you see? It's not so easy, but we have to stand up tall and answer freedom's call. USA! USA! USA! USA! We're the land of the free and the home of the brave. USA! USA! The stars and stripes are flying. Let's celebrate our freedom, inspire proudly freedom to the world. Ameritude, USA! American pride, USA! It's attitude, it's who we are, stand up tall. We're the red, white, and blue, fiercely free, that's who. Our colors don't run, no siree. Over here, USA! Over there, USA! Freedom and liberty everywhere. USA! Oh, say, can you see? It's not so easy, but we have to stand up tall. And